Kruskov, Tuki, Adrien et Maddy. Faucon Millénial, le podcast le plus gauchiste de la galaxie. Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et aux autres et bienvenue dans Andor et de Platine, l'émission dans laquelle nous revenons sur les épisodes de la série Andor. Je suis Grushkov et je serai accompagné aujourd'hui de mes fidèles camarades rebelles, Maddy. Bonsoir. Bonsoir à toi, Maddy. Adrien. Alors, appelle-moi Nostradamus aujourd'hui, s'il te plaît, Grushkov. Merci. Attention, on a dit sans spoiler. Non, on n'a pas dit ça vraiment, mais. ok, Nostradamus. Et Chucky. Bonjour. C'est bien. Du coup, aujourd'hui, pour la dernière fois, nous allons revenir sur la série Andor et les trois derniers épisodes de la saison 2, écrits par Tom Bissell et réalisés par Alonso Ruiz Palacios. C'est la fin de la série et la fin de la saison. Du coup, on va faire un épisode un peu spécial aujourd'hui. Et du coup, je vais vous demander votre retour rapide sans spoilers d'abord de ces trois épisodes de ce dernier arc et ensuite de la série plus global. Merde, je vais plus parler. Je mets mon L dans le plus et du coup il veut pas revenir dans le globalement. C'est dommage. Donc voilà, vous avez compris ce que je voulais dire. Adrien, toi qui voulais te la péter, je te laisse commencer du coup. Sans spoiler du coup. Sans spoiler pour l'instant, voilà. Rapidement, et puis après on va aller un peu plus en... Je pense que tout le monde l'a vu, hein, mais soit, on va jouer le jeu. C'était très bien, voilà. C'était très bien, très des émotions. C'était plutôt bien réalisé, même si c'est pas les meilleurs épisodes visuellement de la série. C'était très bien joué. Ça, il y a vraiment pas de débat là-dessus. C'était vraiment bien, quoi. Et c'est comment est-ce que voilà, je vais poser ça comme ça maintenant. Comment est-ce qu'on a pu aimer Rogue One sans ça? C'est fou. Parce que la bataille à la fin elle est cool. Ouais, non mais je sais bien, mais mais c'est, tu résumes un peu le truc, hein. Mais ah, c'est pas vrai. Il y avait d'autres trucs qui étaient bien quand oui, même dans Rogue One avant, mais... Tu vois, à côté, c'est maintenant qu'il y a ça, mais en fait, ça met une vitesse à Rogue One, mais à peut-être même tous les trucs récents qu'on a eu de Star Wars en live action, quoi. Mm-hmm. Enfin, je sais pas. Si vous voulez, on va parler de ce genre de choses-là, avec les spoilers et tout, je pense, plus tard. Merci Adrien. Maddy, qu'est-ce que ton avis sur... Alors, je suis d'accord avec Adrien sur le fait que ce soit visuellement pas les plus intéressants. Il y a même des gens qui ont dit que c'était assez anticlimatique la fin. Mais franchement, alors perso, ça m'a mis dans un mood et de bad incroyable cette fin de saison. Enfin, la ça fait deux semaines, Maddy n'a pas mangé un seul truc depuis. Hein, vraiment. Je suis en deuil. Aidez-la, s'il vous plaît. Mais non, vraiment, ça m'a mis dans un mood bizarre, un peu. Typiquement, le mood de fin de série qu'on adore et qu'on ne fera plus jamais. Mais non, vraiment, c'était bien. Et le montage final, à chaque fois que je le regarde, j'ai les poils qui se dressent. Vraiment, c'était. Et du coup pour la série en général maintenant que c'est terminé qu'est-ce que tu en penses? C'était incroyable, quoi. Je pense que c'est dans mon top 3 des productions, enfin de toutes pièces Star Wars confondues. Yes, Ok, très bien. Et à ton tour, tu qui je te mets en dernier parce que je sais que toi, t'as la vie opposée à tout le monde. J'ai beaucoup aimé. Ah, je vous ai eu. Hein. Ah, j'ai cru. J'ai eu peur. Ouais. Alors moi, en fait, j'aime pas du tout parce que... Il y a pas vu Skywalker. Hey, oh. C'est vrai, ça, il est où? Il n'y avait pas assez de Jedi, hein, déjà. Et il n'y a pas le bon beige. Il n'y avait pas Danny Vador. Et les Ujin. Ça, c'est la vie de... Il est où Ahsoka, en plus? En plus, il y a des femmes et elles sont enceintes. Non, pardon, pas de spoiler. Non, on les voit pas enceintes. On voit pas de femmes enceintes, d'ailleurs, dans la série. Si. Ah ouais, bah voilà. Si. Ah oui, c'est vrai, Adrien. Si. Non, faudra que je coupe ça. J'ai beaucoup aimé les épisodes et j'ai beaucoup aimé la série. Voilà. C'est bien, c'est concis. J'en ai déjà parlé avant. Pour la suite. Hein? J'en ai déjà parlé avant, c'est très bien écrit, c'est important et tous les personnages sont super. Yep. Et du coup, moi je vais dire, je pense que j'ai mon avis est plus proche en général après vous avoir écouté de celui de Maddy, je pense, en tout cas pour l'arc. Là, c'est vrai que c'était pas très grandiloquent, vraiment le point le climax, c'était l'arc précédent, et ça me va. Je trouve que là, ils ont décidé de finir sur un truc un peu plus personnel, de montrer l'impact de certains personnages les uns sur les autres, et sur la rébellion en général. Et j'ai bien aimé ce côté un peu plus intimiste. Moi, j'aime bien. En fait, c'est un truc. Il y a beaucoup de gens qui se plaignent, par exemple, de la fin du Retour du Roi. Ça dure une heure, l'épilogue et mes couilles. Mais donnez-moi ça plus souvent. Moi, j'aime bien avoir des fins qui... J'aime pas les fins qui sont trop abruptes. Et là, ils nous ont vraiment bien servi. Enfin, je comprends. Des fois, ça peut être un peu trop long pour certains. Mais j'étais très satisfait. Là, tous les personnages ont une résolution d'une manière ou d'une autre. Que demander de plus? Même certains qui ont été abandonnés un peu sur les derniers arcs, on leur donne un petit épilogue. Pas très long, mais... Qui en dit beaucoup. Et c'est ça qui est très réussi avec la série en général, c'est qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de paroles, pas besoin de beaucoup de temps d'écran parfois pour certains personnages pour en dire beaucoup. Il y a un truc... Et ça, c'est un peu un truc... Rien à voir, oui. mais quand tu parles de fin qui se termine trop abruptement, je pense toujours à la fin de la trilogie Spider-Man de Sam Raimi. Bah, je sais pas, t'as rien du tout après, t'as rien à la fin. Non, mais à la toute ça fin. Ça finit juste sur qui chiale. Ouais, c'est ça, c'est fini sur le toit où il chiale. Mais qu'est-ce que c'est nul comme fin? Moi, je veux savoir ce que les personnages deviennent, comment ils vivent. Ça c'est sûrement. Surtout que les deux précédents, au moins, ils te mettent une dernière scène, au moins, et puis après, il fait swing. C'est ça, et là, il y a très, rien. Très classique. Même le No Way Home, t'as quand même un bon 5-10 minutes à la fin pour te montrer la nouvelle vie de Peter et tout ouais, ça. Ouais, c'est rapide, mais ça suffit, hein. Ça fonctionne. J'aime bien avoir un truc où... Ouais. Quand même, tu vois, t'as suivi les personnages pendant un bout de temps. Oui, c'est vrai, ouais. Et c'est bien j'aime bien savoir plus de trucs. Et ils méritent tes personnages, tu vois. Ils méritent. Exactement. Ne serait-ce que par respect pour les persos, quoi. Qu'est-ce qui se passe? C'est bien de laisser. Ouais. C'est bien de laisser les choses un peu à l'imagination, mais moi j'aime bien savoir quel est l'avis des personnes qui ont créé tout simplement ces choses-là. Et là en plus, on a cet épilogue-là pour la série, mais il y a quelques personnages ensuite qu'on revoit évidemment dans Rogue One et au-delà même. Et. C'est spécial Star Wars, donc ça, c'est... on ne changera pas. Mais moi, j'ai trouvé ça très satisfaisant pour la série en général. Et j'ai hâte à la saison 3. Ah Maintenant, on peut passer en mode spoilers, je pense. Et je vais laisser un petit peu Adrien y aller, parce que je trouve que c'est quelque chose dont on a parlé vite fait la semaine précédente. Et moi, je n'ai pas osé rêver autant que lui. Je dois avouer. Gruskov, on avait tous les deux pensé la même chose, mais Adrien... Ce n'était pas un rêve. Mais dire était basé sur des faits, Gruskov. Sur des faits. Ouais. Sur ce plan. Sur ce plan où Bix se fait toucher le ventre par Madame la Forceuse. Ce plan. Il l'avait vu. Ce plan, Gruskov. Hein, je me rappelle les dires de Maddy. Mais non, n'importe quoi, vous allez trop loin. Mais également de Toust, hein, ici, qui était médisant sur mes dires, sur mes prévisions. Eh bien, vous savez quoi, je vous pardonne. Même moi qui disais, hein, c'est mon headcanon et tout, j'ai bien précisé, attention, hein, contrairement à Adrien, je suis sûr qu'ils y ont même pas pensé. Et c'est drôle, parce qu'attends, attends. Moi, je vais sortir les DM. Je vais sortir les DM. Gruskov m'envoie un message le jour même. Il a dit, Tell Maddy, we were right. Et alors, je lui envoie un gif. There is no we. Hein, Gruskov, c'est ma victoire. C'est ma victoire. Tu étais trop, comment dirais-je, trop peut-être peureux pour faire partie de ma team. Peut-être que tu avais peur, peut-être que. Mais Gruskov, le courage, moi je l'avais. Je l'ai clamé haut et fort. Et c'était ma victoire. Merci. Je suis même, après que t'aies dit ça, je suis même allé me corriger dans le truc où j'avais dit qu'on était de Stradamus et j'ai mis que Adrien. Non, tu as été honnête. Non, c'est vrai. Au début, je me comptais dedans parce que j'y avais pensé aussi, mais c'est vrai. C'est vrai que j'avais dit. Mais je trouve ça intéressant parce que justement, un peu tout cet arc-là, il pose tout ce qui est le futur et tout ça, les conséquences des actes précédents et sur le ruissellement, la théorie du ruissellement, tout ça. Le ruissellement des actions de tous les personnages, il y a un énorme focus sur Cléa, sur cet arc-là, avec du coup des flashbacks, tout ça. On en apprend plus sur sa relation avec Luthen, d'où ils viennent. Pourquoi ils se battent, et on finit la série avec elle qui voit le fruit de tout leur travail, de tout leur sacrifice et tout ça. Et c'est pareil avec Cassian. Avec cette fin-là, je trouve qu'on nous montre que pourquoi on se bat. Et pourquoi c'est important de pas laisser les régimes fascistes s'en sortir, c'est parce que... Et c'est quelque chose qui m'énerve énormément dans le vrai monde, avec notamment les personnes de droite qui sont toujours... qui essayent toujours de faire les choquer en mode « Oh, les enfants et tout !» Pensez aux enfants pour les trucs les plus cons du monde. Par contre, quand il s'agit d'arrêter les trucs qui polluent à mort, qui détruisent la planète, l'IA générative, tous ces trucs de mort, il n'y a personne, ils s'en battent les couilles, hein, là, des enfants. Hein, et ça, c'est ça qui fait la différence. Pourquoi on se bat ? On se bat pour, évidemment, pour nous-mêmes, mais aussi pour les générations futures. Et même sans le savoir, Cassian, il le fait. Voilà, et du coup, j'ai trouvé que c'était bien. Et Cléa, c'était aussi l'élément déclencheur de Luthen. C'était elle, le moteur. J'ai vu quelqu'un, je sais pas si c'était ici ou pas, mais quelqu'un dire qu'au final... C'est vrai que quand on prend la série dans son ensemble et la vie de Cléa et Luthen dans leur ensemble, Axis, c'était pas Luthen, c'était Cléa. C'était elle qui était la girl boss qui le remettait dans le droit chemin. Et puis, vous voyez ce que je veux dire ? Et je trouve, j'aime bien cette interprétation là aussi parce que ça veut dire aussi que même ça, Dédra, et ben elle a pas réussi vraiment à trouver Axis parce que elle pensait que c'était l'hôtel. Voilà, ça c'était ma petite tirade. Qu'est-ce que vous en avez pensé du coup quand vous avez vu cette fin, Maddy et Tuki? Vas-y, Tuki. La fin ou les trois? Là, on parlait du bébé au début, du coup, je suis revenu là-dessus. Le bébé gate. Le bébé gate. Le baby gate. C'était bien fait. J'avais peur, en fait, quand vous étiez à fond là-dessus, que ce soit mal fait parce que. On sait pourquoi. Mais c'était bien fait, c'était mignon, c'était. Ça avait un bon message, ça avait bien exécuté et ça enlève rien au personnage du tout. Donc au contraire, même. J'étais juste super surpris en mode oh, ils sont vraiment allés là. Mais agréablement surpris parce que c'était pas quelque chose de négatif. Très bien. Et Maddy. Ah bah, vous auriez dû voir la tête que j'ai fait quand j'ai vu. J'étais vraiment. Vous voyez le mème du mec qui joue avec sa manette et qui se penche en avant parce que ça devient plus sérieux. Et puis j'ai fait ça dans mon canapé et j'ai fait Adrien, il va être insupportable. Je crois que j'ai dit à Gru, oh mon dieu, Adrien avait raison, un truc comme ça. Et vraiment, la première chose que j'ai faite après avoir fini l'épisode, c'est envoyer un message à Adrien en mode t'avais raison, bâtard. Non, vraiment, bah pareil. Comme tu kiffes, j'avais assez peur que ça soit mal fait, ou finalement c'était bien fait. Donc, Ok. Est-ce que vous voulez expliquer comment ça aurait pu être mal fait pour vous, par exemple, cette fin-là, juste pour les auditrices qui pourraient ne pas voir en quoi ça peut être un problème? J'ai pas d'exemple sur comment l'exécution aurait pu être mal faite, mais le concept en lui-même me faisait peur sur... Ouais, j'avais pas d'idée de comment il pouvait bien ou mal le montrer, mais il y a tout ce truc hollywoodien comment ça s'appelle de bigot, qui est de... une femme peut seulement s'accomplir si elle a un bébé. Et du coup, quand vous étiez en mode oh, j'ai envie qu'elle ait un bébé, j'étais. Mais au final, non, parce que peut-être on en parlera après aussi, mais je trouve qu'il y a eu. Justement, ça a donné énormément de représentations de femmes différentes avec cette série, ce qui est rare en général et dans Star Wars. Et justement, d'être tout type de femmes représentées, ou au moins un large spectre. T'as plusieurs types de mamans, t'as Bix, elle bosse encore, elle a pris ses propres décisions, elle prend sa vie en main, elle a choisi d'aller faire son bébé sur la planète qui lui plaisait, etc. Elle est en train de girl boss son truc de père célibataire. Elle est heureuse avec ses décisions et tout, ça lui enlève en rien le fait qu'elle est toujours dans la lutte, toujours dans la résistance, toujours à faire... elle a toujours un travail et tout. Par exemple, si ça avait été un truc en mode... Ouais, elle est, je sais pas, dans un endroit où elle est juste à s'occuper du bébé tout le temps et rien d'autre. Ou, enfin, tu vois, ou si elle avait dit « Ah, mais je suis enceinte, Cassiane !» Ils auraient pu le faire de plein de façons mauvaises, mais le fait que tu la vois... tu sais, il y a souvent cette image de révolution où c'est le prolétaire dans son champ de blé... qui regarde à l'horizon en mode « Levez-vous, enfant de la terre hein, !» Tu vois. Et du coup, ça a donné un peu cette image-là de... Tu vois que clairement, elle est encore dans la lutte et le gamin, il va être élevé pour être un bon gros communiste anarchiste. <là. rire> mais du coup, c'est bien aussi d'avoir, pour une fois, un bon exemple de mère dans Star Wars, parce que oui. Ben, soit elles font pas long feu, soit... t'en as pas. Ou alors, on avait l'exemple de la mère de Baby Girl, Cyril, où c'est une connasse. Mais oui, le paradis est incroyable, t'as raison. Et du coup, c'est bien d'avoir cette mère-là qui, Elle a fait le choix conscient de garder le bébé. Elle a fait le choix de où est-ce qu'elle voulait que l'enfant grandisse. Et elle est maîtresse de son destin et de ses décisions. Et même Cassian a rien eu à dire. C'était en mode, non, moi, je sais ce que je fais. T'inquiète. Fais ton taf, Cassian. Moi, je ferai le mien sans souci. Et par son taf, je parle pas de juste élever un enfant. Je parle de continuer la résistance et tout. Parce que comme Grushkov disait aussi... la résistance, c'est pas juste on fait une bagarre une fois et tout va bien pour le mieux. C'est quelque chose que tu dois cultiver et que tu dois transmettre. C'est fou, c'est comme si c'était la culmination de tout ce qui a été dit auparavant sur la série. Mm-hmm. Non, mais en vrai, c'est ça, ça nous facilite le travail aussi, hein, ce genre de série. Non, et puis c'est quand même important, ouais. Après la vie de merde qu'elle a eue, la pauvre Mix. Qu'elle puisse se reposer, quoi. Tu vois ? Ouais. Je pense que c'est aussi ça, c'est... Je trouve, avec quelqu'un qui a été victime de ce dont elle a été victime, c'est bien aussi de montrer que ça ne l'empêche pas aussi d'avoir une vie, entre guillemets, normale. Je sais pas si vous voyez ce que oui. je veux dire. Oui. Que même si, de nos jours, c'est de plus en plus... normal. Je dis ça, mais vous voyez ce que je veux dire, dans la norme de pas aussi vouloir forcément avoir d'enfants et tout. Symboliquement, ça veut quand même dire. C'est ça le truc avec le cinéma, les séries et tout. Beaucoup de choses qui sont très symboliques. Et là, pour le coup, c'est aussi symbolique du fait de vivre. Et si tu regardes en tout plus, simplement. La scène en soi a tellement de symbolisme parce que quand elle était sur Yavin, il pleuvait tout le temps. Elle arrive dans un endroit qui est super ensoleillé. Oui. Sa torture principale qui a failli lui faire perdre tout, c'était d'entendre des enfants mourir. C'est vrai. Et là, elle a donné vie à un enfant. Mmh. Absolument. Oh, mais il fucking god, t'es un génie, Tuki. Merci. Non, mais c'est aussi totalement vrai. Et le fait que personne n'ait laissé derrière, tu vois, elle retourne là où il y a Bitu et Mo, et du coup, il retrouve aussi sa famille, il n'est pas abandonné. Oh, parce oui. que c'était la question qu'on se disait aussi, en mode, ils l'ont abandonné, mais non, personne n'est abandonné dans la résistance et la rébellion. Et elle retourne aider la famille qu'elle avait aidée, et probablement qu'elle a dû faire quelque chose par rapport à Brasso, peut-être un petit mémorial, un petit hôtel. Une petite brique. C'est vrai, ça. Ouais. Mais c'est ça. Ça serait Ça serait tellement bien. Ils pourront jamais faire de briques pour Cassian. Et, genre, ils... Pardon. J'ai pas... Non, j'ai... Pourquoi ? J'ai dit, ils pourront jamais faire de briques pour Cassian. Ah oui, ouais. Non, ouais. Mais il est devenu une étoile. Je me souviens... du coup, quand on a regardé Rogue One juste après, comment c'était choquant d'avoir Melchi qui meurt juste entre deux plans. Ouais. On le voit même pas mourir, c'est juste ça recut de leur côté et Melchi est juste mort. Putain, c'est chaud, j'avais oublié. Je croyais qu'on le voyait mourir, mais pas du tout. C'est parce qu'il est pas mort. C'est pour ça qu'ils lui ont donné une meilleure place dans la série. Ils se sont dit, le pauvre gars, il est mort. Oh, chaud, on va lui donner un petit peu plus de backstory. Okay. Est-ce que vous avez plus de choses à dire sur ces sujets-là ? Moi, j'ai pleuré. T'as voilà. pleuré ? J'ai énormément pleuré. Vraiment, quand on voit le plan de dehors, on voit Bitu et Mo. Là, j'étais mais aux anges. Et au en loin, plus, il joue. Au loin, on voit une petite silhouette s'éloigner. Je me dis putain, c'est ça. Bix avec un bébé dans les bras. Est-ce que c'est vraiment ça ? Et le plan d'après, on la voit. Et là, j'ai fondu en larmes. Mais vraiment fondu en larmes. Mais comme ça m'était pas arrivé depuis longtemps avec Star Wars. Pourtant, vous le savez, hein, je le cache pas. Andor, c'est loin d'être ma série Star Wars préférée. Mais ça a énormément marché sur moi. Oui, c'est vrai, on rappelle, Adrien déteste. Je déteste, ouais, vraiment. Il y a trop de femmes, voilà. Bon, il n'y a pas de juste milieu. Beaucoup trop, c'est pour ça qu'il aime que la femme qui en. C'est ça. Non, mais c'est ça qui est. Je trouve que pour l'instant, de manière plus globale, je trouve que toutes les séries Star Wars, qu'on les aime ou non, et bon, encore une fois, je précise, j'ai pas vu Ahsoka, donc je sais pas si c'est le cas dedans, mais je trouve qu'elles ont toutes eu un épisode final assez solide, en fait. Malheureusement, on n'aura pas de suite, mais The Acolyte avait tellement de potentiel sur sa fin et tout ça. Et je trouve que la fin, les derniers instants de la série Mando concluent très très bien toute la série, je trouve. Et pareil pour la série Obi-Wan, la fin est très émotionnelle et je trouve conclut bien la série et là ils ont encore fait ça et ça c'est bien, c'est une force. Je trouve que moi je suis pas quelqu'un qui aime beaucoup les fins. Là c'est pareil. Cette semaine on a fini Arcane et j'étais un peu déçu de comment ça finissait. Et c'est pas un jugement de valeur ou quoi que ce soit. Je suis assez difficile à satisfaire avec les fins. Ouais. C'est pour ça qu'on est fan de Star Wars. J'ai trouvé que. Hein? C'est pour ça qu'on est fan de Star Wars, j'ai jamais de fin. Bah, c'est ça finira jamais. Bah, voilà, c'est ça. Hein, c'est... Moi, j'ai arrêté de me poser la question. C'est aussi pour ça que les trucs que je consomme beaucoup, mes deux fandoms principaux, Star Wars et Yakuza, c'est des œuvres qui se termineront jamais. Ouais, on sera terminé avant. Oui, je pense. Et je trouve ça bien. Voilà. Je parle pas du contenu ou quoi que ce soit. Je trouve que c'est. On a quand même de la chance. Surtout là, les deux dernières séries qu'on a eues, c'est quand même de. Skeleton Crew et Andor. Ça pourrait pas être plus éloigné l'un de l'autre. Mais je trouve que c'est les plus réussis sur pratiquement tous les aspects. Et moi, je vais te dire les trois dernières. Hein. Perso, The Acolyte, pour moi, elle est tout en haut aussi. Hein. The Acolyte, c'était super bien, mais je pense que je serais toujours... Je la verrais jamais comme une série complète. Bah ouais, c'est le problème. Parce que pour moi, ça manque vraiment au moins d'une partie 2. Et malgré toutes les choses que la série fait bien, c'est une série qui n'est pas finie, je trouve. Donc c'est un peu dommage, propos, j'arrive pas là. À ce propos, on en parlait avec Maddy, et Maddy, t'avais soulevé un truc intéressant, je sais pas si tu te rappelles. Oh, je me rappelle plus. À propos d'Andor, tu disais, c'est la première série Star Wars qui est vraiment officiellement clôturée, terminée. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Et c'est la toute première, parce qu'en fait, Mandalorian, on n'a jamais eu de fin vraiment à proprement parler. Série live action. Oui, ah oui, voilà, en série live action, oui, bien sûr. Mais du coup, enfin, Boba Fett, on sait pas trop. Obi-Wan, on sait pas trop. Acolyte, bah pareil, ça a été plus ou moins annulé. Tu vois, Skeleton Crew, on sait pas trop. Là, vraiment, on a eu un début, on a eu une fin. C'est une fin. On n'a jamais eu de fin encore dans les séries Star Wars Dave. Maintenant, si on peut finir toutes les séries Star Wars avec des bébés, ça me va. Comme tu dis, rien, ça finira jamais Star Wars. Mais c'est vrai qu'en général, les films Star Wars, ils ont un peu de mal avec les conclusions. Même le retour du Jedi, c'est pas hyper satisfaisant. Ça fait partie des fins qui, pour moi, vont trop vite. Le retour du Jedi, surtout pour une saga entière. La fin de l'épisode 3, bon, bah, c'est tout sauf. Mais ça finit quand même sur des bébés. Oui, bah, voilà, tu vois, typiquement. Même dans Star Wars 3, il y a une once d'espoir avec des bébés, avec un futur possible. L'épisode 9, il n'y a pas ça. Bah, l'épisode 9, tu vois, ils ont essayé de faire un truc sur l'amitié et tout. C'est juste que, on les voit pas trop être amis durant le film. Pourquoi elle est seule à la fin, Ray? Putain, mais quelle idée de merde! Si vraiment elle voulait les finir... C'est vrai, j'oublie ça, mais... Et pourquoi est-ce qu'elle est toute seule? C'est un truc de fou. Elle est pas toute seule, elle a BB-8, super. Mais qu'est-ce qu'il fout la BB-8? C'est une droïde de peau, en regarde... fait. Même le Mando, à la fin, il est dans sa petite maison oui. avec le bébé qui joue mais devant. Mais tu vois, le bébé à la fin. Le bébé à la fin. Non, mais c'est fou, mais c'est vrai. Et, hein, c'est pour Star Wars Rebels, le bébé à la fin, putain. c'est... Mais pour oui. moi, ça fait partie de ce thème, l'espoir. La génération suivante. Et d'ailleurs, bien en sûr. Parlant de la génération suivante, évidemment, y a un énorme focus dans cet arc-là sur Leia. Et qu'est-ce que vous en avez pensé du coup de tout ça, tout ce qui est révélé tout sur elle et la façon dont elle prend en main les révélations du coup apportées par Rip in Peace Lonnie, le best. Ouais. C'était un héros. Qui leur apporte tout. Et ça aussi, ça a un truc, l'héroïsme. C'est horrible, mais le fun, il a toujours su qu'il devrait tuer Lonnie à la fin. Et j'espère juste que sa famille s'en est sortie. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ouais, c'est ce que tant que sa famille. Tant que sa famille s'en est sortie, c'est ok. Je me demande si justement l'assassinat de Lonnie, c'est pas aussi une façon pour le fun de faire comme si il n'avait pas fait ça de manière volontaire et que du coup la famille a rien à voir avec ça, je sais pas. Il pense en 4D, Luthen, donc il serait capable de penser à tout. Mais oui, Lonnie, il découvre tout le complot basiquement de la Death Star. Et tout ça est donné à Leia, Cléa, à Cléa qui du coup doit prendre en charge beaucoup de choses en même temps. Qu'est-ce que vous en avez pensé du coup de ce changement de point de vue pour ces derniers épisodes? J'ai aimé qu'ils aient donné la backstory de Cléa, ça fait complètement sens. Comme j'ai dit, la série est super bien écrite, donc pour moi c'était parfaitement logique la façon dont c'était elle qui aidait Luthen et le dirigeait et tout. J'ai beaucoup aimé voir comment leur relation s'est développée, comment leur position au sein de la résistance, de la rébellion et tout s'est aussi développé. C'était super intéressant de voir tout ça et qu'ils en aient fait quelque chose comme ça, tu vois, en mode elle aurait dû mourir parce que toute sa famille, son village était en train de se faire zigouiller. Lui, c'était un de ceux qui zigouillaient les gens parce que ça devait pas être leur première fois. Et c'est juste que plus ça allait, plus ça le rendait malade. Et du coup, ouais, personne n'est parfait, mais que tu peux toujours, à un moment, changer pour le mieux. Et ouais, juste montrer à quel point elle a toujours été super badass et instoppable et intelligente, etc. Et puis, en plus, j'ai beaucoup aimé le truc de... tu devrais sourire. Tu me payes sinon je souris pas, connasse. C'est rigolo parce que c'est ce que je te dis tout le temps aussi. De quoi tu me souris pas si je te paye pas? Que tu devrais sourire. Quelle horreur. Je plaisante. Et oui, et pour ceux qui savent pas, c'est un truc très très sexiste qui arrive beaucoup aux personnes qui ne sont pas des cis mecs ou n'ont pas l'air, n'ont pas un passing de cis mecs, de se faire dire dans la rue ou par la famille ou par n'importe qui au travail ou ce genre de truc oh bah tu devrais sourire un peu plus, hein. Du coup, voilà, ça fait plaisir que ce soit une femme qui lui dise en plus, parce que ben oui, les femmes sont aussi des. Voilà, et c'est aussi des personnes qui renforcent la merde du patriarcat souvent. Et du coup, que ce soit une vieille femme qui lui dise ça et qu'elle lui tienne tête. En plus, elle arrive à lui négocier un bon prix. Et qu'en plus, elle ait son petit comeback, son petit retour, cette petite revanche en mode Mais du coup, comme tu nous as pas payé le prix complet, t'as pas le droit à sourire. Oh, génial. Et à quel point Luzan, il était prêt à faire « Oh bon, bah ok, je te donne la... j'accepte le prix pourri, tu vois. » Et elle était en mode bah, « Pas comme ça qu'on négocie, attends, laisse-moi faire. » Perso, moi, je m'attendais pas à ce qu'on ait un épisode sur leur backstory, parce que je trouvais que les, entre guillemets, les persos, comme ils sont dans la série, suffisaient eux-mêmes. Et du coup, je me suis pris une énorme claque avec l'épisode. Ouais, pareil. Et ouais, mais c'est vrai. Et c'est bien. Vraiment, alors c'était déjà, bah c'est, enfin c'est pas, c'est la backstory pour Cléa et pour Lucène, parce que bah pour Lucène c'est le déclic quand même. Enfin, tu sens qu'il y avait, enfin il y avait déjà, pour lui c'était déjà trop, mais le fait qu'ils doivent s'occuper d'une gamine en même temps, bah Cléa ça a vraiment été le moteur pour lui de l'engagement dans des actes de rébellion. Toute la symbolique aussi autour du fait que bah, tu vois, ils s'aiment et ils se détestent en même temps. Le fait qu'ils... Alors, c'est les études d'anglais qui m'ont rattrapé. le fait qu'ils s'appellent Lear. Enfin, c'est comme ça qu'il se fait appeler par les soldats. Et qu'il est un lien compliqué avec sa figure... de fille adoptive. Bien sûr. Pas s'en rappeler le roi Léard. Et vraiment, tout l'épisode était super touchant. Elisabeth Dulot et Stellan Skarsgård, ils ont été incroyables dans cet épisode. La scène où ils sont sur Naboo, elle est incroyable. Ouais. Vraiment, c'est... En plus, c'est fou, parce que c'est la planète natale de l'Empereur et voilà, tout. Ils étaient déjà dingos à l'époque. Non, vraiment, c'est deux zinzins et ils s'en sont trop bien trouvés. Et pour reprendre ce qu'a dit Elisabeth Delos sur Cléa, elle déteste Lucène pour ce qu'il a fait, bah, à sa famille et tout ça, mais en même temps, bah, y a de l'amour qui est né autour de cette haine. Oui, et je trouvais que c'était. J'avais pas réussi à le mettre tout le doigt dessus, et quand elle a dit ça, j'étais en putain, ouais, c'est ça, tu sens qu'ils se battent tout le temps, mais qu'en même temps, ils se respectent beaucoup. Et puis, la scène où Cléa lui dit oh, je suis ta fille maintenant, tu sens qu'il y a, tu sais, cette haine, mais en même temps, tu vois, enfin, moi, je l'ai pris comme bah, elle serait pas contre non plus, tu vois, qui reconnaissent que c'est sa figure adoptive, tu vois. Ouais, et puis... Et c'est important aussi pour montrer qu'elle est vraiment le moteur qui le pousse plus loin, parce qu'elle lui rappelle, rien que sa présence, lui rappelle que « Hey mec, t'as vu ce à quoi j'ai survécu ?» Ouais. Donc tu te prends en main et tu te bouges le cul et t'arrêtes de t'apitoyer sur ton sort et on continue. Mm. Et ouais, c'est vraiment un super personnage, Cléa. Et je ne m'attendais pas non plus à ce qu'ils montrent leur backstory, mais je suis super content qu'ils l'aient fait. C'était vraiment bien fait. Et aussi, je trouve ça bien qu'ils aient montré le massacre. Enfin, qu'ils l'aient montré, c'est surtout qu'on l'entend. Mais parce que du coup, tu ne peux pas avoir le doute s'il y avait encore quelques... personnes dans le fond qui avaient le doute de... Oh oui, mais l'Empire, c'est pas... Enfin, voilà, quoi. Non, ils sont allés massacrer des civiliennes. Des civils. Des civils. c'est très proche. et clairement, aucun remords en mode on s'est assuré qu'ils soient tous morts, hein, tous ces gens-là. Alors que clairement, c'est pas des gens. Je suis sûre que c'est des gens qui avaient rien fait, qui étaient même pas dans la rébellion et tout. Non, pas que ça justifie. Mais tu sais que c'est ce que les empires fascistes utilisent comme justification. Ah oui, ils étaient violents d'abord. Ce n'est pas vrai. C'est toujours l'empire qui est violent d'abord. Mais bref, c'était important aussi de montrer à quel point il y en avait certains qui peuvent massacrer d'autres comme ça. Rien à foutre. Non, ouais, c'est clair. Ah, et puis pour en revenir à la relation entre Lucène et Claire, enfin, Lucène. Se sacrifie, il insiste auprès de Cléa pour éteindre, enfin détruire les comms Et il se retrouve du coup à faire face à Dedra. Et il sauve Kleya par la même occasion. Et c'est... Enfin, moi, je l'ai pris comme... Il veut donner un futur à Kleya. C'est son enfant, c'est ce qu'on disait. Et elle le sauve aussi parce que s'il s'était remis à l'hôpital, ils l'auraient torturé comme ils ont torturé Bix jusqu'à ce qu'ils aient soutiré toutes les informations. Exactement. Et donc elle le tue pas juste pour la rébellion, elle le tue aussi par Mercy. Merci. Je crois que c'est le mot français aussi. Pour le sauver de finir dans une telle position. Vous voulez pivoter un peu sur le fun. Du coup, vu là où nous a amené Maddy, et du coup la fin du personnage qui du coup donne met dans les mains de Dedra l'objet qu'il utilise juste après pour se tuer et il est trop drôle. Ah vraiment la scène. Oh oui, regarde ce truc là. Tu sens que il est fort. Alors je trouve que Dedra était vraiment stupide dans cette scène. C'est le... Enfin, pas stupide, mais aveugle. Je trouve que c'est bien le... Comment dire ? L'arrogance. C'est ça. Impériale. Ouais, l'orgueil complet de... L'orgueil, oui. De se croire au-delà de tout, intouchable et victorieux. Ah, vraiment, c'était... Non, vraiment, et puis ça... Enfin, je sais pas où, mais dans mon canon, Lucien, il savait qu'il allait finir comme ça, qu'il allait devoir... bypass l'Empire en suicidant ou un truc comme ça. Mais peut-être même que Lucen et Kleya en avaient déjà parlé, hein. Sûrement. Oh, ben, ça devait être oui. un plan de façon et c'est pour ça, au début, je pense que quand il l'envoie toute seule et dit je vais rester derrière et détruire la radio et tout ça. Bon. C'est un peu facile pour elle de deviner ce qui va lui arriver. Bon. Tu vois bien, ils se regardent en mode tu vois, en mode c'est la fin. Tu vois, ils se disent adieu. Quoi. Ouais. Mais oui, il fait le taf et évidemment, comme il l'avait prédit, il verra jamais le fruit de son labeur. Et c'est pour ça que je trouve que c'est très bien d'avoir Kleya sur la fin. En fait, c'est un des trucs avec Cassian, justement. Il vient pas pour récupérer l'information. Il vient pour la récupérer, elle. Je trouve que c'est là qu'on voit vraiment tout... Pourquoi Cassian il est si spécial aussi, c'est on pensait qu'on allait le voir au fil de la série perdre un peu son humanité petit à petit, mais au final elle est toujours là et c'est pas Rogue One, c'est pas vraiment l'histoire de lui qui retrouve son humanité peu à peu, parce que la première chose qu'on voit faire c'est tuer un gars. mais même là, s'il y a une possibilité de la sauver, eh ben il la prend, il prend les risques parce que c'est plus important et je pense parce que il a, et on le voit d'ailleurs faire un gros discours au chef de la rébellion, il a toujours quand même de la... pas forcément de l'affection, mais de la reconnaissance pour le travail de Lucen et du coup de Kleya elle-même. Et c'est important qu'ils prennent cette décision-là parce que oui, je pense que Lucène pensait même que Cléa elle-même ne verrait jamais les résultats de tout ce qu'ils ont fait. Et parce qu'il était très, très pessimiste aussi, hein, c'est le personnage. Mais justement, à l'opposé, Cassian, il a cette humanité que les deux ont essayé de renoncer un peu pour pouvoir get the job done. et c'est important, voilà, comme on a dit plusieurs fois durant cette review, c'est montrer que l'impact que ça a pour le monde qu'on laisse aux générations futures. Et elle est encore jeune, hein, elle a 30 ans à tout péter, hein, je pense. Cléa, donc voilà. Oui, moi aussi, je pensais qu'elle verrait pas le résultat, elle et Lucène. Et du coup, je suis super content qu'elle ait survécu et qu'elle soit à une si bonne place. Et franchement, c'est ça que j'adore avec la série aussi, c'est qu'ils ont laissé plein de personnages en vie au lieu de jouer la carte facile de « bah non, on n'a pas entendu parler d'eux après parce qu'ils sont morts, voilà ». Et du coup, ça donne de l'espoir qu'ils fassent des séries spin-off sur ces personnages. Moi, je veux une série spin-off où c'est les femmes de sur Yavin, Tamon, Vel, Cléa et puis Bix qui vient leur rendre visite. Et c'est juste le squad des girl boss là, qui organise la rébellion et tout. Et c'est ça qui est bien aussi avec cette série, c'est que bon... J'ai l'impression que Maddy et moi, on est tous les deux passés un petit peu par cette espèce de deuil chelou, de oh, on reverra plus jamais ces personnages et tout ça. Mais en vrai, pourquoi pas? Il y a toujours la il y a toujours la possibilité au bout d'un moment qu'on ait plus de ces personnages là. Ouais. Et ben je l'espère. Non, c'est vrai que j'avais un peu peur de que tous les personnages meurent. D'ailleurs, j'avais pas fait mon bingo pour rien. Mais non, c'est. Je pense que j'ai été victime du syndrome Game of Thrones, qui s'amusait à tuer des gens à tort et à travers pour choquer les spectateurs. Heureusement, et désolé pour. Les scénaristes, vous êtes quand même beaucoup plus talentueux que les deux oiseaux de Game of Thrones. Et du coup, non, ils ont eu l'intelligence de laisser des personnes en vie. Et franchement, quand j'ai vu l'épisode sur Cléa, je me suis dit, ah, s'ils font un épisode comme ça, je pense qu'elle va survivre. Ouais, vraiment, c'était vraiment c'est l'épisode auquel je m'attendais pas. Pour moi, il est vraiment très très fort émotionnellement, et au moment où Cléa elle embrasse le front de Lucène avec la larme qui coule sur sa joue, là vraiment j'étais effondrée, vraiment j'ai chialé comme une grosse merde. mais non, vraiment la dernière fois que Star Wars m'avait touché comme Andor m'a touché, c'était Les Derniers Jedi. Et qu'est-ce que ça fait du bien d'être touché par la franchise qu'on aime le plus. C'est intéressant ce que tu dis. Vraiment, c'était... Wow. Moi, j'ai quand même un gros faible pour le... la scène... Han, Ben de l'épisode 9, qui est sûrement écrite par quelqu'un d'autre, parce que je sais pas. Mais c'est vrai que ça fait rien que ça, ça fait déjà super longtemps. Hein. Ça fait... On a bien chialé, en tout cas toi et moi, on a bien chialé devant Obi-Wan aussi, hein, quand ah oui, Obi-Wan, c'est vrai. T'as la force de ta mère et tout le truc comme mais ça. Tu vois, là, c'était lié à des personnages qui sont avec nous depuis tellement longtemps, plus Leia qui représente quelqu'un qui est mort dans la vraie vie et tout ça. Je pense qu'il y avait tout ce côté-là. Là, c'est vraiment fait avec des personnages qui sont pratiquement tous nés avec cette série-là. Obi-Wan qui finit aussi avec un enfant, putain. Ouais. Mais d'ailleurs, c'est l'aspect, le meilleur aspect de la série Obi-Wan. Hein. L'enfant. mais c'est vrai. Et puis il y avait un épisode de Vision aussi, mais c'est vrai que dans du mainline comme ça, ça reste. Voilà. Ok. Un autre personnage qui a sa fin, une autre girl boss qui finit par se faire girl bosser par quelqu'un d'autre, justement. Dedra qui, du coup, qu'est-ce que vous avez pensé de la conclusion de ce personnage qui, personnellement, je pensais qu'elle allait se faire tuer. Voilà, je l'avais dit d'ailleurs pour l'arc précédent, je pensais qu'elle allait se faire tuer par Cassian. Et pas du tout. Ils ont vraiment trouvé les meilleures fins pour chaque personnage. C'est grave. Moi, je me souviens que j'avais dit si elle n'a pas une promotion, ils vont la jeter comme une vieille chaussette. Et c'est globalement ce qu'ils ont fait. Et hein. Ouais, et je trouve ça l'ironie poétique de sa situation est magnifique. Parce qu'elle fait partie du groupe qui a instauré les peines de prison beaucoup plus injustes, sans procès et tout, dont a été victime Cassian et dont sont victimes énormément de personnes qu'on voit se faire arrêter sur la plage ou juste parce qu'ils courent, ce genre de truc. Et elle se fait emprisonner dans ce genre de prison inhumaine. Il n'y a pas vraiment de prison humaine, mais il y a de la torture avec de l'électricité, c'est encore pire. Et elle se fait emprisonner sous les mêmes lois injustes et cruelles qu'elle a aidé à instaurer après avoir été super zélée, avoir abandonné tout, sa relation amoureuse, toute sa vie a été un gros sacrifice pour l'Empire. Et en récompense, elle sert d'esclave dans une prison cruelle. Voilà. Et c'est ce que tu gagnes à t'associer avec les fachos. Et j'aime bien aussi parce que c'est aussi un juste retour des choses. Et ça fait aussi écho à, tu sais, toutes ces femmes qui soutiennent l'extrême droite et qui sont exactement du côté des fascistes et qui derrière viennent chialer parce que on nous parle mal à l'extrême droite. Bah ouais, mais en même temps, bon. Mmh. Ah oui, il y a un mème comme ça en ligne qui est. Je me suis rangé du côté des léopards qui mangent le visage des gens et ils ont mangé mon visage. Je comprends pas. Mais d'ailleurs, ça m'a fait penser et Tony Gilroy, on a parlé aussi le fait que et c'est quelque chose qui est vrai dans la vie, hein, c'est que à part si t'es à la tête du truc, le fascisme ne profite à personne. Et c'est tout le truc. C'est si, tous les petits fachos comme ça, comme Cyril, comme comme Dedra, comme Partagaz, comme Krennic. Déjà, j'adore le fait que ils ont aussi bien illustré le truc de Qui-Gon. There's always a bigger fish, parce que à chaque fois, on nous montre un nouveau stade où il y a quelqu'un qui est supérieur et ça culmine dans Rogue One là-dedans avec Tarkin et Vador. Mais aucune de ces personnes ne profite au final du fascisme. Ils sont tout le temps tendus, tout le temps en guerre les uns contre les autres. Ils ont jamais la paix. Et à la fin, ils sont jetés comme des vieilles chaussettes ou ils doivent se tuer comme Partagaz parce qu'il n'y a pas de... c'est peut-être la chose la moins horrible qui peut leur arriver. Ouais, j'aurais aimé qu'ils souffrent plus. Non, pas lui. Il était si mignon. T'aimes pas Partagaz? Pour moi, c'était le méchant, le vrai méchant du... Le Troulas boss, quoi. Tu vois, il méritait vraiment d'en prendre, de prendre tarif et il méritait pas de mourir selon avec ses... dignité. Selon ses propres choix, quoi. Termes, ouais. Ouais. Ouais, je comprends, enfin, mais un au final, mort, il meurt quand même, hein. C'est ça. Tu vas me plaindre, hein. Et toute cette branche de l'ISB, du BSI, pardon, qui tout le monde meurt ou se fait emprisonner et tout ça, hein, parce que malgré tout, malgré le fait que c'était un agent double, ben Loni, c'était un des seuls gars qui faisait leur boulot de manière correcte. Qui correct dans c'est terrible. Enfin, c'est terrible. Hirt aussi. Hirt. C'était un de ceux qui suivaient les règles le plus à la lettre. Ouais, et d'ailleurs, c'est drôle parce que Hirt, il fait toute une leçon à Dedra en mode oh, ben moi, j'ai pas d'ambition. Et qu'est-ce qu'il fait au moment où il pense qu'il peut choper Axis? Et ben, il fait le. Comment ça s'appelle? Le mèche-cul. Le peacock. Le pan, là, il fait le. Ouais, il fait tout ça. Il fait le lèche-cul, et puis il parade et tout, et puis il va s'en occuper. Et bon, bah, il finit de la manière dont on sait qu'il finit en bouclier humain. Putain, c'était incroyable. Et je sais plus ce que je disais au début. Voilà, tout simplement. Mais que c'est drôle parce que voilà, au final, il y a. Ce qui est très bien aussi avec cette série, on l'a dit depuis le début, c'est que ça a ce côté très serious business. Et tout ça, le côté série prestige, hein, les séries avec gros budget, gros moyens, mais ça n'a jamais oublié le cœur de Star Wars. C'est pas une fin où tout le monde meurt, machin truc, et c'est trop dark et tout ça. Pratiquement tous les personnages qui sont des gentils survivent, et pratiquement tous ceux qui étaient des méchants soit meurent ou ont des destins horribles. Et d'ailleurs, ça a été précisé que là où est Dedra à la fin, c'est Narkina 2. Allez. Elle est pas exactement dans la même, mais elle est au même endroit. Je pense que c'est la même planète et c'est juste. Oui, c'est... Tu sais, il y a plusieurs. C'est Narkina et puis t'as un. Exactement. Elle est probablement sur la même planète, juste un complexe différent. D'ailleurs, je crois que c'est que des femmes là, du coup, c'est peut-être pour ça. Oh, d'ailleurs, j'ai vu quelqu'un faire un parallèle. Enfin, moi, je trouve que Escafinis en prison, c'est ce qui pouvait. Narrativement, c'est ce qui était le plus délicieux pour son personnage. Ouais, ouais. Et j'ai vu quelqu'un faire un parallèle entre le fait qu'elle demande à Cyril d'éteindre la lumière et le fait qu'ils éteignent la lumière dans sa dernière scène. Ah ouais. Qu'elle se mette à pleurer. Et genre, c'est quelqu'un qui a dit elle a manipulé Cyril et tout ce qui va avec, et elle finit par se faire traiter comme elle a traité Cyril, en fait. Et c'est vrai. Et vraiment, la scène... était ouf. Enfin, vraiment, tout le dernier arc avec Dedra qui a quand même un peu d'espoir que ça va aller mieux pour elle, parce que quand elle est en cellule et que Hirt vient la voir, avant qu'elle voie que ce soit lui, elle essaye de se remettre bien propre et tout. Et quand elle voit que c'est lui, elle est en mode fait chier, quoi. Et vraiment, tu vois, je trouve que Denis Gou a vraiment fait un travail de dingue. C'est dans l'interrogatoire avec Krennic, quand il pose son doigt sur sa tête et que tu vois dans son regard qu'elle se dit c'est fini. Et vraiment, la scène, l'interrogatoire est incroyable. Je pense que tu partages mon avis. Oh oui. Quelle scène. Et vraiment, vraiment, Dedra, personnage vraiment très intéressant de Star Wars. Et, j'espère qu'on en aura d'autres comme ça, des impériaux. Comment dire, c'est, Et si tu regardes comment finissent les fachos, ceux qui se font directement punir par l'Empire, c'est ceux qui étaient trop zélés, dans le sens où ils voulaient faire trop bien leur travail, qui étaient contre la corruption, qui voulaient suivre les règles à la lettre. C'est que des gens que tu considérais employés modèles. Et tous les corrompus qui cachaient les dossiers sous le tapis, qui n'envoyaient pas les informations de tous leurs échecs, qui mentaient, qui essayaient, tu vois. Toutes ces merdes-là, eux, il leur arrive rien. Parce que pourquoi ? Parce que l'Empire ne veut pas qu'aucune de ces failles ne soit perçue. Parce que les empires comme ça savent qu'ils ont des failles. Et ils s'en foutent qu'ils aient ces failles-là parce qu'ils se croient au-dessus. Par contre, que ces failles soient mises à jour au sein d'eux-mêmes et ailleurs, ça, c'est la vraie menace pour eux. Donc, ils en ont rien à foutre que leurs employés soient corrompus, fassent pas leur boulot et tout. Du moment que l'image reste intacte et solide et infaillible, c'est tout ce qui leur importe. C'est 100% de l'image et de la propagande marketing. Et c'est pour ça que tous ceux qui sont là, oh ben en fait il y a des problèmes, les employés font mal leur taf, il y a toutes ces défaillances de l'Empire, ces gens-là se font détruire par l'Empire parce que tu ne sers pas l'Empire si tu pointes du doigt ce qui ne va pas au sein de l'Empire, puisque l'Empire est censé être parfait. Donc il n'y a rien qui ne va pas. C'est toi qui ne va pas. Et donc on se débarrasse de toi. Ah mais c'est pas pour rien que l'ennemi du fascisme, c'est l'administration et les fonctionnaires. Hein. Jusqu'à ce qu'ils réécrivent la leur, etc. Comme tu disais, et une fois que tu fais pas partie du moule, tu pars à la poubelle. J'avais récemment, j'ai été sur un podcast où on a parlé de la dernière saison de la première saison de la nouvelle série Daredevil. Et je disais dedans que j'aime beaucoup le concept de Fisk comme, vous savez, le caïd, Kingpin, tout ça, comme méchant, comme super vilain, parce que c'est énormément le... Bon, il est très fort et il tape mal, mais là où il est... en gros, les super-héros qui se battent contre la corruption et tous ces trucs-là. Et la dernière fois, pour rire, j'ai demandé sur le Discord quel était l'organe préféré de l'Empire des gens qui sont sur le Discord. Mais en vrai, je trouve justement dans la même veine le BSI. J'aime beaucoup les histoires qui ont, eux, au cœur de l'histoire, parce que c'est justement cette bureaucratie implacable et tout ça qui est... C'est des gens normaux, mais ça paraît presque impossible de les battre. Enfin, j'aime bien avoir des méchants terre à terre. C'est aussi pour ça que j'aurais adoré avoir comme boss final de la post-logie, comment il s'appelle, la petite Hux. Merde, Hux. Je pense qu'il aurait pu être vraiment, vraiment super cool en tant que méchant, parce que c'est un vrai pur facho. Et voilà, j'aime bien le concept d'avoir des gens normaux, entre guillemets, qui ont l'air implacables. Et j'aime aussi beaucoup le fait qu'ils se font... ils gagnent pas à la fin, ils gagnent rien du tout. Et qui sait, et comme je disais sur le Discord, Dedra, elle est en prison, et à un moment, dans quelques années, la Nouvelle République va arriver et on sait qu'il réintègre énormément de gens et notamment énormément d'anciens impériaux. Il y a la trilogie Alphabet Squadron qui en parle beaucoup. L'un des personnages principaux, c'est une ancienne pilote de TIE Fighter. Et il y a tellement de potentiel là-dessus avec Dedra. Comment Dedra pourrait vivre sans, dans un monde sans l'Empire? Je trouve qu'il y a moyen de... Et, écrivez un livre dessus. Ouais, surtout que... Ça me va. C'est aussi... Enfin, alors, attention, hein, j'excuse en aucun cas le personnage, mais en fait, c'est une victime du fascisme aussi, dans le sens où elle a grandi en foyer, enfin, elle a grandi en... dans orpheline impériale. Hein. Ouais, c'est ça, dans vraiment au cœur de... au cœur du fascisme, et sans avoir de porte de sortie, peut-être, tu vois. Ce serait intéressant. Elle n'a jamais connu autre chose, en fait. Bah, c'est ça. Tout ce qu'elle connaît. Et quand tu connais que ça depuis ton plus jeune âge, ça devient des valeurs tellement enracinées que tu ne peux pas envisager l'existence d'une autre vérité parce que c'était tes valeurs de base. C'est la fondation de qui tu es. Et ce n'est pas quelque chose que tu peux bouger facilement comme ça, quoi. C'est pour ça que l'indoctrination des enfants et ce genre de trucs, c'est aussi un super sujet à aborder. Et c'est pour ça que c'est si... Andor. Okay. Est-ce que vous avez plus de choses dont vous voulez parler par rapport à Dedra? Ou est-ce que vous voulez parler de la vraie star de la série? Bitwemo qui fait non l'autre il y a aussi un 2 et un O dedans mais K2 K2 qui arrive vite fait qu'est-ce que vous en avez pensé de son intégration dans ce dernier arc je vais dire moi mon avis vite fait ça valait l'attente. Complètement. Et j'aurais bien aimé avoir une troisième saison juste pour avoir plus de de leurs aventures. Et je voulais parler de ta réaction aussi quand il y a eu Ketu au fil de l'épisode. Je crois que c'était au moment où il embarque dans le vaisseau avec Cassian la première fois dans cet arc. Où t'as sorti un... Ah ouais, je comprends pourquoi ils l'ont pas mis plus tôt. Et j'étais... je me demandais ce que tu voulais dire et tu m'as répondu parce qu'il est... Il vole la vedette. Il est tellement drôle, tellement bien joué et écrit. C'est la star du show dès qu'il est là. Et du coup, ça aurait été... Et aussi, il a tellement un énorme talent comique. Avec le ton de la série et les messages qu'ils essayaient de faire passer, ça aurait été un peu trop distrayant. Et je trouve que t'as raison parce que c'est vrai, il est tellement fun, tellement... J'adore ce genre d'humour, il est tellement bien écrit. Et je trouve qu'ils l'ont très bien intégré aussi. J'adore que la première fois où on le voit enfin lui-même libre de ses mouvements et tout, ils sont en train de jouer au poker et essayer de le filouter et s'allier contre lui. Ça bac probablement, pardon. Mais, et je trouve ça tellement fun comme façon de l'intégrer en mode... C'est vraiment un membre de la rébellion. C'est pas juste un droïde qui est là pour servir, c'est un pote. C'est un membre à part entière en tant que sa propre personne, avec sa propre personnalité, c'est probablement ses propres... émotion, façon de penser, etc. Ça marche bien, ce genre de moment un peu, tu sais, je répète ça toutes les semaines, c'est terrible, mais ces petits moments de vie où vraiment on les voit voilà, faire des trucs triviaux comme ça, juste là, ils se font une partie. Et je trouvais que c'était, on parlait mal de... La coloc, en plus. On parlait mal tout à l'heure de l'épisode 9, comme d'habitude, mais je trouvais que c'était une scène qui fonctionnait bien, Chewie, et qui joue aux échecs avec Finn et Poe. C'est le genre de scène qui fonctionne toujours bien. C'est tellement important aussi, parce que, justement, c'est c'est important de rappeler aux gens ce pourquoi ils se battent quand ils font des actes de rébellion et de résistance. C'est pour ce genre de choses tout à fait normales, tout à fait du quotidien. Tu te bats pas juste pour être victorieux et de sortir là comme un héros et tout. Tu te bats juste pour avoir une vie normale. Pour arroser tes plantes. Voilà, pour les petites joies du quotidien. Tu te bats pour avoir le droit de vivre. Juste vivre et apprécier la vie. Parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir des trucs extraordinaires dans la vie. La vie en soi, c'est beau. Le ciel, il est beau. La nature, elle est belle. Les gens qui te sourient, ils sont beaux. Ils ont le droit de ne pas sourire, par contre. Les animaux, ils sont beaux. Les bruits de la nature, les inventions humaines, le partage, les jeux. Tout ça, c'est beau en soi. Il n'y a pas besoin de trucs incroyables et grandiloquents. Juste vivre comme des hobbits, c'est magnifique. Amen, putain de merde, amen. Et du coup, voilà, c'est important de montrer que, même dans un monde sous le fascisme, où tout a l'air d'aller mal, tu peux trouver ces moments de joie, ces moments de normalité, ces moments de vie qui te ramènent à la réalité, qui te ramène à... Tu sais, qui te ramène à un état de calme et de... Hey, on peut continuer à vivre, on peut continuer à trouver de la joie, on peut continuer à avoir des relations qui ont un sens et qui sont fulfilling, qui te remplissent de joie, etc. C'est pas que de se battre tout le temps et d'en chier. Tu peux trouver des moments de joie partout. Et c'est important de les trouver aussi, parce que t'as besoin de ces moments-là pour ensuite pouvoir te battre encore plus fort et encore plus et avoir la force de le faire. À quand un épisode, un truc de Star Wars où on voit les personnages faire un podcast? Non, mais en vrai, ce serait trop intéressant de voir. On a vu ça. Non, mais vous souvenez pas dans Solo? Oh oui, mais oui, c'est vrai, il a ses petits vlogs. C'est pas vraiment podcast, mais c'est un vlogueur, Lando. C'est vrai, Il me semble que dans Rebels, ils font aussi ce genre un peu de diffusion radio, de diffusion... je sais plus si c'est Ezra lui-même ou pas, mais ils font un peu ce genre de... Ses parents étaient des podcasteurs, c'est vrai. Voilà. Many podcasters die to give us this information. C'est pour ça, donner sur notre Patreon. Pour que nous aussi, on puisse vivre comme des petits hobbits. Ah ouais, non, mais quand tu dis vivre comme des petits hobbits, à la fin de la série, je me suis dit, putain, j'aimerais vraiment trop du slice of life de Yavin. Mais oui, ça serait tellement bien. Avec les girl boss, là. Yes. Une sitcom dans Star Wars, putain. Il y a de la place pour tout. Hein. Mais oui. Je trouve que les dernières séries et tout le prouvent vraiment. Tout peut coexister. Ça, c'est un truc qui m'a énervé. Par contre, les fans de Andor, spécifiquement Andor, c'est les mêmes que les fans de spécifiquement Rogue One et la trilogie originale, où genre rien ne... Si les trucs sont pas comme ça, c'est de la merde et tout. Ah, ils m'ont saoulé. Ah ouais, pareil. Non, mais même dans Andorre, on a eu des petites scènes d'humour. Enfin, déjà, comme tu disais, K2, ils volent toutes les scènes dans lesquelles il est, vraiment. Alors que c'est juste un robot qui n'a pas d'expression faciale. Il peut bouger que ses yeux. Ça, et puis, enfin, il y a la scène avec Cléa et la petite grand-mère dans l'ascenseur. Je l'ai trouvée, mais à mourir de rire. Vraiment, j'étais en mode. Ils mettent cette scène-là maintenant, quoi. Vraiment, c'est une tension max. Et ils mettent Cléa avec la petite vie dans l'ascenseur, tu vois. C'est. Bienvenue dans Star Wars, bitch. Mais oui, c'est ça aussi l'esprit de Star Wars. C'est que des fois, c'est super pimp et c'est drôle. Mais oui! La trilogie originale, c'est Leia qui roast les trois osios, là, non-stop. Ah oui, Oh, en parlant de ça, j'ai fait une blague sur Twitter, sur Blue Sky, du « Empêche, plus on en apprend sur... » par rapport à la rébellion et tout, plus c'est rigolo le fait que les... t'as les deux zozos là qui arrivent à la fin et qui ont leur médaille, mais ah, en oui. vrai, il y a des gens qui disent ça, mais genre premier degré, genre, ils ont détruit l'étoile de la mort quand même, je veux dire, ils ont sauvé Leia, ils ont ramené les plans de l'étoile de la mort qui étaient perdus, hein. Sans eux, tout Rogue One et tout, ça ne vaut rien non plus, hein. Et c'est même pas des gens qui étaient partis de la, qui faisaient partie de la rébellion. C'est aussi ça le truc, c'est que c'est des, t'as un mercenaire qui est juste super égoïste de base, en tout cas présenté comme tel, et l'enfant d'une famille riche de fermiers qui a vécu complètement isolé de toute forme politique parce qu'il en, il croyait même qu'il pouvait se faire une petite vie tranquille à l'Empire à piloter des vaisseaux là. Il avait aucune idée de quoi que ce soit Et ces deux gars-là, je compte pas Chewie, parce que Chewie, lui, était beaucoup plus impliqué dans, la, dans tout ce qui était la résistance et la rébellion. Mais ces deux zozos-là qui arrivent et qui risquent leur vie pour détruire l'arme galactique, alors que ben, ils auraient pu juste à n'importe quel moment se dire « Non, ben, je m'en bats les couilles, je veux pas faire partie de cette merde. » Du coup, ouais, je pense que c'est pour encourager ce genre d'acte en mode « Hey !» Vous pouvez nous rejoindre aussi. on a des médailles. Parce que, ouais, ils sont... C'est pas du tout des gens qui avaient aucune implication dans la... rébellion de base. Hein. Voilà. ça avait rien à voir, mais je voulais quand même en parler parce que c'est rigolo qu'ils ont... Les deux fandoms comme ça, spécifiques de ces trucs-là, se croient... meilleur que les autres. C'est moi, les mêmes personnes. Hein. Parce que c'est trop sérieux. Pas que, hein, je pense, pas que. Moi, je connais des gens qui vraiment détestent... Il y en a qui disent que c'est trop silly, Rogue One. Je connais des gens qui détestent viscéralement Star Wars, mais parce que c'est devenu un peu la mode de détester Star Wars. Faut dire c'est si, vrai, hein. C'est triste. Et qui, du coup, sont là, oh, comme quoi, Star Wars, ça peut être bien... Ah là là, ça me rend fou. Voilà, je vous aime, les gars, hein, si jamais vous, vous m'écoutez, mais... Mais qu'est-ce que vous me cassez les couilles avec ça, putain. Non, non, mais c'est vrai. Alors, en vrai, Andorre, c'est nul à chier comme tout le reste de Star Wars. Non, mais tu vois, c'est ça. En fait, genre, à un moment donné, je comprends les qualités intrinsèques qu'il y a à Andorre. Et c'est possiblement le meilleur truc live Star Wars qu'on a eu. Je dis pas que c'est mon préféré, hein, mais je dis que c'est possiblement l'un des meilleurs trucs qu'on a eu. Maintenant, c'est dans les mêmes veines que le reste et ça reste Star Wars. Je veux dire, c'est un truc qui est... Exactement. T'as mémé Pétou, là. De quoi? T'as mémé Pétou dans l'ascenseur. Mais voilà, non mais tu vois, il y a tout ça. C'est... En fait, au bout d'un moment, c'est Star Wars et cracher sur Andor... Non, cracher sur le reste de Star Wars, ça va pas rendre Andor meilleur, hein. Oui, et comme cracher sur Andor, ça va pas rendre le reste... Bien sûr, mais bien sûr. Enfin, on est vraiment dans une ère, et c'est pas que chez Star Wars, où les gens ne peuvent pas aimer quelque chose sans chier sur quelque chose d'autre. C'est pour vrai. Pour se justifier. C'est terrible. C'est terrible. C'est tellement l'antithèse je pense, de nous tous, ici, déjà. C'est bien d'aimer des choses. aimer des choses. Et ah, c'est important quand on ne trouve pas d'en parler. Hein. Regardez-nous avec l'épisode 9. Mais aussi, moi, j'essaye. On en parle beaucoup parce que c'est un bon... tu sais, maître étalon, chef étalon, je sais pas. Pour certaines choses qui ne fonctionnent pas forcément pour cette franchise-là. Comme par exemple la fin qui est... un peu, ben c'est à l'antithèse de ce que, par exemple, Rogue One aussi, Rogue One meurt, tout le monde meurt, sauf que ben on te montre à la fin l'espoir et tout ça, la fin de l'épisode 3, c'est la même chose, la fin de Andor, là c'est pareil, il y a toujours quelque chose à prendre. Et même dans l'épisode 9, il y a plein d'exemples aussi de bons trucs qui auraient pu être justement encore plus développés et qui pourraient revenir par la suite. Mais ça veut pas dire que on l'utilise pour juste à chaque fois justifier le fait que les autres sont bien, on peut le dire. Voilà pourquoi je trouve que là ça fonctionne mieux. Ou faire un parallèle, genre regarde, même dans celui-là qu'on aime pas, il y a des trucs qui sont bien faits. Le coup de or Andorre, c'est trop bien. Rebels, ça, ça a été le truc énormément là, ces dernières semaines. C'est Andorre, c'est trop bien. Comment les gens ont pu aimer Rebels? C'est vraiment de la chiasse. Ah, il y a eu ça comme discours. Oh mon dieu. Ouais, il y avait le truc avec Mon Mothma. Il y a un épisode de. L'épisode où, justement, ça se passe juste après. L'extraction de Mon Mothma dans Andorre, c'est les rebelles qui, et c'est le crew de rebelles qui récupère Mon Mothma, ouais. et l'emmène sur Dantooine dans Andorre. Ils en parlent, ils disent pas exactement qui c'est, mais non, oui, mais ils voilà. En parlent. Et du coup, il y a des gens qui en ont profité pour juste dire, c'est vraiment un truc de bébé. Tout. Déjà, c'est une série animée pour jeunes. Donc, oui, vraiment. Et essayer c'est de faire les gros cerveaux face à des enfants de 10 ans. Et puis, en plus, et même si c'est un truc pour bébé, c'est quoi le problème? Mais c'est ça qui m'énerve. En fait, quand tu crois que t'es plus intelligent, Jean-Richard, dans la cave de tes parents. Mais alors, ça, c'est pareil. C'est un des trucs qui revient beaucoup dans les critiques de Star Wars, dans les critiques récentes de Star Wars. Et je l'entends très souvent, ça, hein, quand je parle à des gens, à des fans, ils parlent justement du fait que Star Wars est devenu trop enfantin. Parce que c'est Disney, oui, c'est parce vrai. Que les gens, pour eux, Disney, c'est Blanche-Neige et les Sept Nains, quoi. Et les gens, vraiment, je pense vraiment que, ils ne veulent surtout pas aimer des trucs pour enfants. Et c'est tellement cynique, c'est tellement cynique. Ouais. Ah ouais, c'est grave. Hein. Parce que c'est ce truc. Andorre n'est pas. C'est ça, oui, pardon. Retournons sur le mouton. Mais rien que hier, j'étais. C'était il y a deux jours, j'étais en colère parce que de nulle part, quelqu'un que je suis sur Blue Sky a dit oh là, imaginez quand même si la post-logie, ça avait été bien. Tu parles jamais de Star Wars. Pourquoi t'ouvres ta gueule pour dire ça? Et mais après oui. Dire en réponse à quelqu'un, la prélogie, c'était pas très bien, mais il y avait une vision cohérente. Oui, mais les films sont nuls à chier. Ouais. Mais ils sont bien quand même. Non mais tu vois ce que je veux dire? Non mais c'est pareil. On peut aimer des trucs. Il y a, ce truc là de. Ouais. Ce révisionnisme de Force Awakens, c'est de la merde. Non, je suis désolé, ça a ses défauts. Mais en tant que film, c'est un bon film. Qu'est-ce que vous racontez? Ouais, mais c'est un mauvais Star Wars. Ça me rend dingue, ça. Là, genre, on reparle tout le temps de l'épisode 9. Si la fin de l'épisode 9 était différente, je pense que je l'aimerais. Ça reste un mauvais film. Star Wars épisode 2. J'ai appris à l'apprécier, mais c'est pas un bon film. J'ai revu du coup le Star Wars épisode 3 avec mon fils, et il y a des moments brillants dedans, mais c'est pas très bien en vrai. Et pourtant j'ai chialé en le regardant au cinéma, genre 10 ans plus tard. Tout doit être toujours tout blanc ou tout noir, et surtout t'as cette fausse idée que George Lucas c'était le maître de George Lucas, il inventait les trucs sur les vibes, voilà, juste basé sur les vibes. Arrêtez de croire que c'était un maître écrivain. Il l'a dit lui-même, il est nul pour écrire des trucs. Il l'a dit lui-même, il a dit je sais pas écrire mais j'aime bien faire des films. Et du coup, j'ai fait mes films quand même si je savais que c'était pas bien écrit. Je respecte. Mais venez pas me dire que la postlogie, c'est complètement acheté. C'est pas vrai. Même l'épisode 9, il n'y a pas tout acheté dedans. Non, c'est vrai. Je déteste ça parce que... C'est vraiment ce truc culturel. Et je suis sûr que cette personne-là regardait Andor et c'est pour ça qu'ils ont eu cette pensée-là. Mais... Parce que les gens ne peuvent pas regarder quelque chose, apprécier et juste dire « ça, c'était bien ouais. ». C'est juste « oh, cet autre truc-là de la même franchise, c'était nul ». J'en ai rien à foutre. Après Star Wars a un statut particulier parce que, comme je le dis très souvent, tout le monde est fan de Star Wars. Et c'est pour ça que les gens parlent de Star Wars et qu'il y a eu cette discussion que t'as vu, Grushkov. Et je pense que ça arriverait pas avec toutes les franchises. Pour moi, pour revenir sur le truc de ils veulent absolument pas aimer des trucs d'enfants et ce côté de devoir préciser que, attention, hein, j'ai aimé Andor, mais alors j'aime pas les autres trucs Star Wars, si, ça, pour telle ou telle raison. Pour moi, c'est un truc tellement immature. C'est vraiment le genre de truc que les ados edgy font, quoi. Et c'est des gens qui sont jamais sortis de cette phase. De trucs de... Toi, tu t'habilles encore comme ça. C'est un truc de bébé qu'on faisait à l'école primaire. On est au lycée maintenant. C'est ce genre de truc de... Moi, je vaux mieux que ça. D'ado en mode... Je suis grand maintenant. Ouais, ça le prouve vachement. Vraiment, nous, c'était quoi? C'était bon. C'est pas le meilleur des exemples, mais... Un moment, c'était Harry Potter quand on était au collège. Si les gens avaient des trucs genre un cahier de pour prendre des notes qui avait un truc Harry Potter, c'était t'aimes Harry Potter, c'est pour les bébés. Donc en vrai, c'est pour les 13 ans. Mais c'est vrai que c'était un peu pareil. Je me rappelle. Ouais. Mais vrai. Tu vois ce genre de réaction que des ados ont et ça fait partie de leur développement. Mais quand t'es adulte, ça craint en fait. Mais oui. Ça, tu sais quoi, moi j'adore regarder Bluey et j'adore regarder des dessins animés et tout parce que c'est fun et parce que t'as pas besoin de cette edginess et parce que t'as des happy endings et c'est trop rare maintenant. Ouais, c'est vrai. Non mais là tu dis un truc intéressant, les happy endings. Enfin, moi maintenant je me refuse certains trucs parce que je sais que ça va mal finir parce que c'est... Et on a besoin d'un happy ending dans les médias aujourd'hui. Le monde, il est tellement triste que putain, si même dans les œuvres, ça finit mal, allez vous faire foutre. C'est ça. Ouais, c'est, même, regarde, pour on serrait les fesses, hein, même pour Skeleton Crew. Hein, ouais. Alors que c'était un truc plus tout public, plus familial et tout ça. Même là, on n'était pas sûr. Et ça, c'est un des impacts, je trouve, de l'épisode 9, parce que pour moi, c'est pas un happy ending. Ouais, complètement. Ouais. Il y a tout un mouvement, d'ailleurs, qui s'appelle Hope Punk, qui est ce mouvement de refuser de tomber dans le cynisme et de vouloir tout le temps finir ton histoire par un happy ending, parce que pendant super longtemps, maintenant, depuis super longtemps, il y a eu tout ce truc edgy de finir super dramatique, super triste, super... c'est une fin qui... Même nous, on l'a fait, hein. Et bah oui, même nous, mais et c'est super important de revenir à ce truc de bah c'est bien aussi les happy endings, mais on en a besoin surtout. Je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, alors mini spoil de Matrix 4, mais pour moi, Matrix 4 c'était aussi une volonté de justement amener le happy ending. Voilà, je la comprends tellement, mais c'est ce qu'elle a dit, hein. Elle a dit qu'elle avait toujours senti qu'elle avait pas fait honneur à son histoire en finissant de cette façon triste. Et elle voulait pouvoir dire... Pardon, je réajuste mon micro. Elle voulait pouvoir dire au revoir à ces personnages et à cet univers. Un vrai au revoir. Tu sais, bittersweet. Quelque chose de beau. Et elle disait... C'est pas le genre de fin que je voudrais voir pour les gens que j'aime. Et j'aime ces personnages. Et je veux qu'ils aient une fin heureuse. Et c'est pas juste que je leur ai pas donné une fin heureuse. Ouais. Et surtout pour une série de films qui parle de personnes trans, c'est tellement important de leur donner une fin heureuse. Et de fascisme aussi, d'ailleurs, en pareil. Hein. Bah oui, ça fait partie de tout ça, évidemment. Une fin heureuse au fascisme. Et alors, Grushkov, c'est un truc que moi, j'avais retrouvé aussi. Je sais pas si tu y as joué, m'a dit, je sais pas non plus, mais Enfin, si, je sais, Maddy. Au dernier God of War, God of War Ragnarok, qui est vraiment dans cette veine de oups, on a fait une œuvre giga cynique. Bon, bah, on backdash et on fait en sorte de rendre ça moins con. Et ça marche vachement bien dans God of War Ragnarok. C'était trop bien. C'était vraiment trop bien. Et pourtant, le gameplay, passer la vingtaine d'heures, c'est un peu chiant. Il est insupportable, quoi. Lui. Mais ça va. Mais ça se joue, ça se joue. Mais qu'est-ce voilà. Qu'est-ce qu'il est chafouin, cet enfant. Mais non, j'ai bien aimé. C'est pour ça que je suis super content aussi qu'ils aient fait la série Loki. Attention, gros spoil. Parce que oui. ils l'ont fait crever. Mmh. Et après, ils ont fait revenir le personnage. Ils lui ont donné beaucoup plus de possibilités d'exprimer ses traumas et de trouver de l'amitié, de se trouver lui-même et de guérir de toutes ses blessures. Et ils lui ont aussi donné une sorte de happy ending parce que il est pas mort, ce qui est déjà un énorme truc dans les trucs de super-héros. Et il est tout puissant et tu sais que c'est le dieu du mischief. Et donc pour moi, il y a un moment, il va se faire chier sur son trône, il va trouver un moyen de faire que ça tient tout seul et il va revenir faire ses petites... bouffon du roi, ces petites blagues. Mais voilà, pour moi, c'était vraiment génial qu'ils aient donné... qu'ils aient fait cette série. Et pour moi, elle a une belle fin aussi. C'est pas du tout cynique. Et c'est thématiquement vraiment le héros de mythologie. Et je trouve que c'est parfait pour le personnage. C'était voilà. Bien, Loki. Ouais. C'est bien quand les trucs sont bien. bon, on n'a pas fait tout l'arc là. Il y a tellement de choses à dire à chaque fois. Ouais. Et on part très très loin. C'est nous, hein, c'est notre style. Je vous propose quand même qu'on pivote maintenant parce qu'on a deux catégories en plus à faire. Donc nos favoris de cet arc là. À commencer par nos scènes favorites. Est-ce que vous êtes OK? De yes. Pas partir là-dessus. Commence, Grouchkov. Je vais commencer. Ils nous ont redonné une nouvelle scène de couloir. Oui. C'était très drôle. Et tu l'as prédite quand on regardait l'épisode. Il y avait un couloir. Et Keitu, il arrivait, c'était sûr. Elle était rigolote et implacable. Les droïdes KX, ils sont. Ils sont parfaits. Ils font mal. Moi, j'ai trouvé ça bien. J'ai adoré le moment où Cléa débranche le fun et lui dit au revoir. Il fait un petit bisou sur le front. Très réussi. Ensuite, il y a plein de trucs que j'ai bien aimé dans ces épisodes-là, mais j'ai vraiment la fin à partir du moment où sous la pluie, il y a Vel qui trouve Cléa, lui donne son manteau et tout. C'est de là jusqu'à la fin, vraiment tout est parfait. Quelle belle fin. Quelle belle fin. Justement, c'est ça qui est fou parce que c'est ils ont fait de leur mieux pour nous donner une fin heureuse. Même si on sait que Cassian et Keitu ils vont et Melfi ils vont pas s'en sortir, ils nous ont quand même donné ils ont essayé au maximum de donner une belle fin et c'est bien. Merci. Maddy, alors vous m'entendez? Ouais. Oui. Okay. Oui. Non, parce que pendant que vous discutiez des fans, j'ai voulu dire un truc et je me suis rendu compte que mon micro, il était éteint. Oh non, terrible. Tu peux en parler un peu, alors vas-y. Ce que je voulais dire, c'est que je retraîne un peu sur le Twitter Star Wars et ils mettent des emojis dans leur tag name. Et les emojis, selon la couleur ou le symbole qu'ils ont, c'est pour dire leur appréciation, leur dépréciation de tel ou tel élément. Ah oui. Et, il y en a, y a des gens, il y a plus de rouge que de vert, quoi. Et je suis en mode, mais comment tu peux te dire fan d'un truc si t'aimes pas la moitié de ce qu'il y a, quoi, c'est... Et vraiment, j'étais en mode. Et c'était parce que tu disais, les gens qui disaient, ah nana, faudrait que tout soit comme Andor, blablabla. Et c'est bon, là. Donc voilà. c'est tout ce que j'avais à dire. Le fandom de Star Wars reste chiant pour moi. Je veux pas leur parler. Et donc, alors mes scènes préférées. Imagine, c'est mon métier. Ouais. Je sais pas comment tu fais. Parce que t'es maso. Putain, Adrien, il doit parler qu'avec des bolos, l'horreur. Non, mais là, ça fait longtemps que j'ai pas eu d'entretien ni de questionnaire, donc ça va. Adrien, il les utilise comme des bêtes de science, tu vois. C'est mes cobayes. Ouais, non, à mais chaque c'est... fois qu'il parle à des bozos comme ça, il est en mode intéressant, dis-moi en plus. Non, c'est fascinant. C'est un fandom qui est absolument fascinant à étudier. Je pourrais en parler pendant des heures et des heures. On était sur les scènes préférées. Alors, la scène du couloir avec K2. Oui. J'ai vu plein de gens la mettre en parallèle avec, évidemment, la scène avec Luke dans Mando, que perso, j'avais pas aimé. Ouais, bah là, là ils ont réussi pour le coup. Ouais. Et vraiment, celle-là, elle est. Quand il se sert de Hertz comme bouclier, vraiment, j'étais en mode. Oh mon dieu! Vraiment, j'étais en mode. Oh, c'est. Enfin. J'étais en mode. Oh, c'est brutal, c'est juste. Oh! J'étais choquée, mais de la bonne manière, tu vois, genre. Oh! Pareil, et vraiment quand il commence à se rendre compte que ça, c'est la merde et qu'il se dit c'est bon, j'y vais, et puis là son pas dégingrandé, vraiment en mode mais c'est ce que je trouve incroyable, c'est qu'il est grand mais il a des membres tout fins et il arrive quand même à faire voler des mecs sur 5 mètres, tu vois. Et quand il arrive et il fait « Cassian, c'est bon, j'ai libéré la voix », j'étais en mode « Putain, il est... » Et puis l'intonation d'Alan Tudyk, vraiment, il est tellement parfait en K2. Oh mon dieu. Mais... Vraiment, c'est... C'est tellement naturel pour lui. Ah ouais. Et je l'ai entendu parler un peu du personnage et j'ai... C'est marrant parce que c'était aussi ce que je pensais, c'est genre, c'est limite un enfant qui sait pas mentir et tout, il est un peu awkward. Et voilà. Il est très autiste coded, K2SO. C'est ça, c'est le robot autiste. Ouais. Je viens pour t'aider. Cassian a dit que j'avais pas le choix. Vraiment, Cassian qui a passé sa vie entouré de robots handicapés, quoi. C'est énorme. Ouais, non mais c'est drôle en plus. C'est vrai. Ce parallèle. Non, et puis quand il raconte, par exemple, aussi qu'il était dans la parade avec les 2000 unités et que les autres, ils n'en ont rien à branler. Et qu'il était en mode. L'empereur était là. Il y avait l'empereur. Ouais, j'ai rencontré l'empereur. Hein. vraiment, K2, c'est la petite touche d'humour qui est bienvenue et qui fait du bien. Il était trop beau en plus. Vraiment, je crois que j'ai tout à l'heure quand Chucky a voulu dire ce que a dit que je vais dire quelque chose que Grushkov a dit en regardant les pièces. Je croyais que t'allais parler du fait qu'à un moment ils sont juste quand ils jouent aux cartes là ou je sais plus quoi. J'ai juste fait il est tellement beau et Chucky fait Cassian non K2. Là, je crois que c'était aussi dans le moment où ils sont dans le vaisseau côte à côte, il y avait juste les deux. Et généralement, quand tu dis putain, il est trop beau, c'est que tu parles de Cassian. Et je me suis posé la question, et du coup, je fais Cassian ? Non, je parlais de K2, mais ouais, Cassian aussi. Non, vraiment, et les CGI pour K2, elles sont incroyables, hein, vraiment. J'étais là, on m'a dit waouh. Et ça n'a pas vieilli dans Rogue One, non ? Ah bah, il est superbe aussi bien. Dans Rogue One. Sinon. Ça fait 10 ans, ouais. Diego Luna disait que ça faisait 10 ans. Et... Ça fait 10 ans qu'ils l'ont tourné et ça sera 10 ans l'année prochaine. Là, putain, là, Oh, j'espère qu'ils le ressortiront au cinéma, que je puisse le voir sans quelqu'un qui fait son barbecue à côté. C'est moi qui fais mon barbecue. Hein. J'étais quand même... Non. Il y avait un gars qui s'appelait comme ça. Qui s'appelait comme ça. Donc, qui faisait ça. Il s'appelait barbecue. À la séance. Bonjour, barbecue. Non, pardon. Hop, nouveau pseudo sur le Discord. M'a dit Pardon, tu peux continuer du coup, pardon, je fais une parenthèse pour le bokeh. Tout l'épisode sur Cléa et Lucène, vraiment, ça c'était... En fait, je m'y attendais tellement pas que je pense que ça a reconfiguré mon ADN comme épisode. l'interrogatoire de Dédra, j'ai beaucoup aimé. Pour la même raison que... C'est vrai que je l'ai pas mis, mais qu'est-ce que c'était bien. Vraiment, je trouve que Ben Mendelsohn, il s'est vraiment donné à fond en mode la diva, il s'est éclaté, ça se voyait. Hey, mais il joue horny de mais ouf, oui. Ben Mendelsohn, à chaque fois. Putain. et vraiment, c'était. Vraiment, à la fin de la scène, j'étais en mode oh, c'est chaud, dis donc. Ouais. Alors que c'est une scène où tu devrais pas te sentir comme ça, mais bref. Monde de ravager. Et la discussion entre Partagaz que j'ai appelé Proutagaz sur le. C'est un peu drôle. Usine à gaz. entre Partagaz et Krennic que j'ai trouvé vachement douce. Ouais. Je sais pas c'est quoi le passif entre les deux, mais c'était. Ils sont ex. Ouais. Ah, ils sont sortis ensemble. Sûr. Je reprends un truc que j'ai vu quelqu'un dire. C'est la première fois qu'on voit Krennic en avoir quelque chose à foutre de quelqu'un. Et tu sais que quand c'est comme ça, c'est toujours un gars. Et lui, tu sais que c'est parce que clairement, soit il avait un crush, soit ils sont sortis. Ouais, tu vois, c'est... Entre Galen et Partagaz. Et la scène était mignonne. Toute la scène avec de fin de Partagaz était très, très, très bien. Antoine Lesser, il va faire. Je trouve que c'est un acteur de ouf. Ah, il est trop fort. Vraiment, toute la scène où il écoute le manifeste de Némic, là, c'était, j'étais en mode. Ah ouais! Et l'expression qu'il a sur son visage, je n'arriverai pas trop à expliquer ça. Ah, plein d'émotions en même temps. Et c'était vraiment super. Hein, vraiment. Vraiment. Ça, et évidemment le montage final où on voit chaque personnage qu'on voit après dans Rogue One vaquer à leurs occupations, c'était... Ça m'a fait bobo, ça. Mais voilà, sinon, ouais, vraiment, le dernier arc était... les gens ont, comme je disais au début, les gens ont dit que c'était anticlimatique. Moi, j'ai trouvé que c'était très, très bien. Ah oui, moi, je trouvais qu'il y avait quand même de la tension. Voilà, et ouais, tout, c'est hein. Ça, c'était pas... Le moment où tu te demandes si Lucène va se faire choper quand il est sur le banc à discuter avec l'Oni. Moi, je croyais vraiment qu'ils allaient évacuer l'Oni, et du coup, j'étais, oh, merde. Le truc de Cléa qui va le sauver, enfin, moi, je trouve qu'il y avait, suffisamment de tension et tout encore. Hein. Le fait de sauver Cléa, on savait vraiment pas ce qu'allait arriver au personnage. Pour moi, c'était... Tout pouvait arriver, ouais. Hein. Donc je trouvais que ça avait... Oh, et la scène entre So et Mon qui s'embrouillent sur Skype. Ah, vraiment, ça, c'est, bah, ça me fait trop rire quand Mon, elle lui fait « Mais on sait où t'es ?» Et puis il panique en mode « Tu mens !» Vraiment, j'ai trouvé ça très drôle, en vrai. Et c'était sympa. Oh, mais oui. Qu'est-ce qu'il est cool, So. Oh, il est trop drôle. C'est le papier résistant de ça. Mais oui, c'est ça, il fait n'importe quoi, mais bon. Aïe, aïe, aïe. Ah non, mais vraiment, quand j'ai vu l'interrogatoire avec Dédra, j'étais en mode, oh, il va kiffer. Il va kiffer. Oh mon Dieu. J'ai... Ma mâchoire est tombée. J'étais... Oh. J'ai attrapé, je crois, le bras ou la jambe de grue, j'ai fait... Oh mon Dieu, ils ont fait Krennic Dom. Oh. Oh wow. Déjà un de mes personnages préférés. Et ils ont complètement changé sa dynamique et j'étais... Oh, chouk. Je crois que c'est ça qui a réécrit mon ADN à moi. Cette scène-là. Je me suis dit, oh, le potentiel de fanfiction encore plus maintenant. Oh mon Dieu. Mais oui, Adrien, tu as raison, nous sommes des dégénérés. Ah oui, mais c'est... C'est toi, là, t'es vanilla, là. Enfin... Vanilla. Je suis... ça dépend pourquoi. Comme Adrien disait, des fois, en théorie, il est moins vanilla, mais... mais c'est juste en théorie. Faut pas l'avouer non plus. Oh non, mais... Non, mais surtout, j'ai la chance d'être en couple avec une personne encore plus dégénérée que vous par rapport à tout ça. Donc, je suis... bien rodé. Ah, faut que tu nous la présentes, toi. Ah oui, vous allez l'adorer. Mais moi, je trouve que la mise en scène de l'interrogatoire était incroyable parce que il est dans l'ombre, il l'observe en silence, et après, c'est, tu vois, elle est comme dans un aquarium et il tourne autour comme un prédateur, ouais. Tu vois, comme un requin. Oh mon Dieu! Et après, il arrive et il est juste debout, stoïque, juste derrière elle, juste un peu trop près, silencieux, juste comme ça, à se tenir debout. Oh mon Dieu! Donc, Krennic est bon en préliminaire, c'est noté. La mise en scène, le gars, il maîtrise les entrées dramatiques. Ah ouais, non. Alors, mes scènes préférées. C'est compliqué parce que j'ai vraiment aimé beaucoup de choses. Déjà, j'aime bien l'espèce de scène dans la boutique de Luthen au début de l'épisode avec des draps qui commencent à arriver et tout. Je trouvais qu'il y avait vraiment beaucoup de tension entre les deux et j'aime bien la manière qu'a Luthen de vraiment genre dès qu'il voit que c'est des draps et dès qu'il s'apprête à ouvrir la porte, bim, il switch quoi. Et je trouve ça trop bien. Vraiment, ça fonctionne super bien. Et puis énormément de tension. Moi, j'aime bien la tension. J'aime bien aussi le fait qu'il lui... Quand il lui dit « T'inquiète pas, il y a plein de gens dans la galaxie qui sont prêts à te dégoûter encore plus. » Genre, oh. Ouais, non, mais c'est trop cool. Ça fonctionne trop bien. Forcément, j'aime bien les moments homo-érotiques entre Cassian et Malchi, parce que ça marche toujours bien. Et aussi K2SO, hein, parce que pour moi, c'est un trouble. Donc voilà, non, en vrai, c'est des moments qui marchent bien avec les trois et vraiment, je pense que j'ai pas encore regardé en entier Rogue One depuis que j'ai vu la fin de Andor, mais en fait, moi j'ai peur d'être un peu déçu par le traitement de Malchi parce que moi je l'ai bien aimé Malchi dans la série et j'ai peur de pas en avoir assez dans Rogue One, donc bon. Ah bah on le voit à peine, hein. Ouais, voilà, mais quand on le voit, il est direct le good guy bien investi et tout. Il a vraiment un golden retriever energy. Juste sa mort qui est pour le coup vraiment choquante quand t'as appris à connaître le personnage. Et est-ce que Malchi, c'est pas l'un des rares persos à avoir quitté le statut de Globshito? Bah, c'est probablement pas le seul. Non, mais... Parce qu'il a... Enfin, c'est... Avant, Malchi, c'était un peu un Globshito, hein. Oui, il y a juste Cassian qui dit son nom à un moment. Je crois qu'il dit quelques phrases, quand même. Mais ouais, bref, alors voilà. Que là, la série, elle finit... il est dans le montage... D'ailleurs, pendant le truc où il est en train de courir, on voit Pao, qui est un alien qui est dans Rogue One aussi. Oui, je l'ai vu, incroyable. Incroyable, voilà. Donc ça, c'est cool. J'aime bien forcément Kleya qui joue à Metal Gear Solid, parce que ça marche trop bien. Je trouve que la scène d'infiltration a été vraiment, vraiment, vraiment géniale. Genre, c'était vachement tendu, et surtout... Elle a cette détermination, Kleya, que je trouve qui marche vraiment trop bien. Et forcément, la scène de l'ascenseur, c'est trop drôle, c'est trop bien. C'est trop cool et elle est trop stylée. Et vraiment, vraiment c'est trop bien. Voilà. Excellente séquence d'infiltration. Voilà. Est-ce qu'elle joue à Metal Gear Solid ou quand ça s'appelle l'agent 47 là ? Hitman. Ouais, peut-être un peu Hitman, ouais, j'avoue, ouais, c'est vrai. Parce qu'elle se déguise et tout, comme lui. Ouais, ouais, c'est vrai, complètement. Ouais, j'avoue, t'as raison. Ouais, c'est complètement plus Hitman que FGS. Y a pas de boîte en carton. Ouais, c'est vrai, ça manque. Et la mort de Partagonze aussi. Parce que je trouvais ça cool. Même si j'aurais bien aimé qu'il souffre plus, ce bâtard. Je trouvais ça cool. Et pareil, au niveau de la tension, ça marchait vraiment bien. Et forcément, ma scène ultime préférée, sûrement de toute la série, la scène finale, les derniers plans où vraiment on voit Bix, on voit B2MO. D'ailleurs, vous avez vu B2MO, il a un copain? Il est en train de jouer, c'est trop bien. Ah, oui, c'est génial. Je trouvais ça tellement bien. Putain, il n'est pas le seul droïde. Et en plus, il est heureux. Et j'étais tellement content en voyant ça. Putain. Il joue à chat ou un truc comme ça. C'est la première fois qu'on le voit vraiment plein d'énergie et d'entrain. C'est vrai, c'est vrai. Et moi, j'avais peur parce que tu sais, quand il le laisse ici, Brasso lui dit, ouais, tu seras plus heureux ici et tout. Mais en fait, après, tu le revois plus. Et du coup, je me dis, mais est-ce que vraiment il sera heureux? Est-ce que vraiment il arrivera à trouver son compte et sa place? Bah, la preuve que oui, parce qu'il est trop content. Il joue avec son ami et c'est tellement bien. D'ailleurs, je kiffe. Et vraiment, c'est trop bien. Et de me dire qu'il va être là pour voir son neveu grandir, ça me touche vraiment. Ou sa nièce, d'ailleurs. Ça me touche énormément. Vraiment, je sais pas, c'est ça, Star Wars. Ils ont fait un Star Wars. Ah, putain, c'est beau. Est-ce qu'on n'a pas un peu gagné la guerre des étoiles, là? Ah, putain. Ah, we won the Star Wars. Tuki, à ton tour. Moi, tout comme vous, hein, j'ai adoré la scène de Kit Wesso. Même avant le couloir et tout, il est vraiment trop marrant. Il est la version qui prend les choses en main et qui... Ah, j'ai mes propres opinions et mes propres façons de faire de C3PO. Tu vois, C3PO est toujours en mode « Oh là là, les calculs sont pas bons !» C'est trop risqué, c'est trop ceci. Et tout ça, il est en mode « Vous êtes cons, c'est super risqué, mais... » Mais il les laisse faire, et après il dit « Ah bah évidemment, j'avais raison, maintenant faut que j'aille me bouger pour les sauver. » Et vraiment trop drôle, j'adore le truc dans le couloir. Et comment la fin de Earth, et le coup de « Hey, j'ai fait un chemin !» tout le truc de Cléa aussi, de dire au revoir à Lucène, et le fait qu'elle aille lui sauver une dernière fois la vie en lui épargnant d'être prisonnier de l'Empire et tout ça, et le Cléa en général. on en a parlé, mais l'interrogatoire par Dedra, de Krennic, évidemment, et la chute de Dedra, et Krennic en général, et la scène, comme tu disais, entre Krennic et Partagas, qui est vachement douce, qui est vachement intimiste, et le good luck. Parce qu'on sait que juste après ça, Krennic se fait voler tout par Tarkin. Et Partagas, lui, il sait qu'il a perdu et donc il sait que c'est foutu pour foutu. Et pour moi, il le sait dès le moment où, comme tu disais, il entend le manifesto. Parce que ce qu'il disait dès le début. Je sais plus de qui d'entre vous en avait parlé, le fait qu'il dit que la rébellion, c'est comme une maladie qui se transmet. Ouais. Et là, ils sont en train de passer le manifesto de Nemik à l'échelle galactique. Ouais. Et là, il est en mode, c'est une pandémie maintenant, c'est plus stoppable. Et c'est foutu. Et il sait qu'il a perdu son boulot. Son boulot, il sert plus à rien. C'est la fin de son boulot, c'est la fin de son truc. Et du coup, plus d'espoir pour ce gars. Et du coup, je trouve ça intéressant à montrer aussi. Une scène de suicide comme ça, c'était inattendu. Et j'ai trouvé ça intéressant. J'aime la mort, voilà. J'aime la mort. Oui, je ne l'ai même pas noté, mais Partagas qui écoute Nemik, là, qui en plus, ça. continue le côté messager de Cassian, parce que Nemik a spécifiquement laissé à Cassian, ce qui veut dire que c'est lui qui a décidé de le faire diffuser à travers la galaxie d'une manière ou d'une autre, et il l'a fait. Ouais. Et le pire, on t'oubliera jamais, Nemik. Le pire, c'est que Partagaz sait que Nemik a raison. Partagaz, c'est pas quelqu'un qui croit en l'Empire ou quoi que ce soit, c'est quelqu'un qui sait exactement ce qui va et ce qui va pas, et ce que l'Empire vaut et le truc, et c'est pour ça qu'il essayait de calmer un peu des draps en mode ne fais pas remarquer de façon qui pourrait les contrarier parce que tu leur montres leurs défauts. Et lui, c'était quelqu'un qui avait ses propres drive, agenda, peu importe, mais c'est quelqu'un qui est très intelligent au niveau politique et social, etc. Et quand il entend le manifesto, il est ouais, ben voilà, quelqu'un l'a dit, maintenant c'est foutu. Maintenant ils savent aussi. Mmh. Maintenant, on va passer à nos personnages favoris de cet arc-là, et on va faire du coup dans l'autre sens. En avant. Cléa. Mmh. Voilà, Cléa, meilleur perso. Krennic qui a toujours été un de mes petits chouchous depuis Rogue One. Mmh. Et il... T'as un problème, Dieu, Tuki, hein. Vraiment, tu peux me dire. Tu peux me dire. Écoute, il m'a toujours donné cette vibe que c'est quelqu'un que tu pourrais humilier et il apprécierait ça. Il est aussi super crimp. Il est un peu comme le shérif de Nottingham joué par Alan Rickman. C'est des mecs qui sont dans la vraie vie, c'est genre nul à chier, crève. Mais dans un univers fantasy comme ça, oh, c'est le petit péché mignon de voir ces espèces de petits salopards là. Voilà, pour moi, c'est même le shérif de Nottingham et lui, même genre de truc. De petit salopard, mais vas-y, continue à bouger ta cape et à faire tes enfolus. K2, toujours aussi drôle, j'adore ce genre d'humour. J'aime beaucoup qu'il ait sa personnalité propre, qu'il soit vraiment un membre à part entière. Je trouve que c'est quelque chose dont on avait déjà un peu parlé par rapport au droïde, et c'est quelque chose qu'on avait retrouvé aussi avec L3 et R2, l'original. J'aime beaucoup quand ils donnent aux droïdes leur propre personnalité et individualité propre. Parce que C3PO, il a beaucoup ce truc de comic relief, de celui qui est un peu le je sais tout, que les gens aiment bien bully. Mais moi, j'aime beaucoup quand t'as les droïdes qui ont leur propre, qui ont clairement l'air d'avoir leurs propres émotions, leurs propres façons de penser, leurs propres idéaux, leurs propres. Entre L3, la révolutionnaire, R2, le gars qui jure tout le temps, K2, qui est juste trop honnête. Et c'était qui l'autre que j'ai dit? Et B2, qui a eu anxiété, et BB8, qui est le petit bon gars prêt à tout faire. J'aime beaucoup quand... Ils n'utilisent pas les droïdes juste pour être une machine qui sert. Cassian, évidemment, tellement bien de le voir développer comme ça à travers la série. Très intelligent émotionnellement. Juste une belle personne. Et Lucen. J'ai beaucoup aimé qu'ils aient montré un peu plus de lui dans sa backstory parce que il est pas beaucoup là dans le présent, dans les épisodes, vu qu'il meurt. un super perso que je suis très content qu'ils aient créé dans la série aussi. Bah, très bien. Ensuite, c'est à moi. Ben oui, j'ai dit on fait dans le sens. je voulais être sûr. mes personnages préférés de cet arc, ça va être Cléa, forcément. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Ça a été la MVP de la semaine, pour ceux qui se rappellent de... Ah bah justement, tu vas être content juste après. Ah, voilà. Forcément, Cassian, Melchi et K2SO en mission. Moi, j'en aurais bien repris 14 saisons, perso. Ouais. Vraiment, ça marche trop bien. Non, mais alors là, pour le coup, c'est un vrai truc. Je pense que la série aurait été vraiment parfaite si on avait eu une saison de plus. Ouais. Je pense. Surtout qu'ils ont fait des ellipses d'un an à oui. chaque fois. Donc, soit... Mais je pense que ces ellipses sont là aussi pour... Parce qu'à la base, ils avaient imaginé ça en plus de saison. C'était censé être 5 et ouais. ils se sont dit c'est trop, on est trop fatigués. Quand Diego, il vieillit. mais même comme ça, je pense que, tu vois, c'est un an en entier pour la première saison. C'est une année. Et ensuite, je pense que là, ils auraient pu faire les mêmes sauts, mais au lieu d'avoir des arcs de 3 épisodes, avoir des arcs de 4 épisodes. Et là, les 3 derniers, en avoir... Enfin, pour la dernière année, avoir un truc, une saison entière aussi, même si ils auraient pu faire une saison un peu plus courte ou quelque chose comme ça. C'est pas grave. C'est vraiment juste demander plus, mais... Ouais. c'est après, moi, je trouve que justement, narrativement, c'est un très bon choix parce que... T'aurais pu faire un truc à la Rebels ou un truc comme ça, ou Clone Wars, où t'as plein de saisons parce que t'as juste envie de voir les personnages. Mais pour le but et le message d'Andor, il fallait quelque chose qui soit beaucoup plus concentré et beaucoup plus succinct pour justement que le message soit pas dilué, que le message soit beaucoup plus impactant. Et du coup, c'est pour ça que le format est plus focalisé sur les événements précis qui ont une énorme importance dans la chute de l'Empire. Parce que chaque petit acte résistance compte, mais c'était important pour le besoin de la narration et tout, de montrer les événements déclencheurs principaux. En tout cas, ceux les plus impactants pour la suite. Mmh. Adrien, désolé, on t'a coupé aussi. Non, bah c'est bon, j'avais fini. Ah bon, j'ai pas fini. Et forcément, Bix et B2MO que j'ai bien aimé revoir à la fin. Voilà. Voilà. J'aimerais bien avoir un nom au droïde qui est avec B2MO, mais je sais pas si on l'a eu quelque part. C'est Z1 c'est vrai G-O UN3 TT3. Non, tu te fous de ma gueule. Attends, je vais te l'écrire. Oh, Zigounette. Oh, putain. Ok, d'accord, très bien. Son nom, c'est Y. Je me suis fait zigounetter en direct dans le podcast. Terrible. C'est le recroll du podcast. C'est ça. Big up à Bash qui va se faire aussi zigounetter en l'écoutant. On a hâte. En plus, il a dû attendre longtemps là-bas. Maddy, attends-toi. Pour être original, Cléa, qui est vraiment. C'est la clé de la série, du coup. K2, évidemment, qui est un de mes droïdes préférés et que je suis super contente de revoir. Dedra, je trouvais que le fait qu'elle se fasse, comment dire, que ça lui revienne en pleine gueule, c'était tellement satisfaisant. Je dis Dedra, mais je pensais à Denise Gou en particulier parce que je trouve qu'elle a fait un taf de ouf sur le personnage et ça transparaît vraiment dans l'aigreur, on va dire, de Dedra et de sa chute. Cassian, évidemment, le bébou. Encore une fois, je suis pas prête pour revoir Rogue One. Je pense que ça va faire mal. Il était vraiment, enfin vraiment, c'est le bébou ultime, quoi. Il sera vraiment. Je le mets dans mes 10 personnages préférés de Star Wars, easy. Ouais. Et Krennic, évidemment, qui est un de mes chouchous aussi, qui était, c'était très fun de le revoir et de le voir en mode de, vraiment diva avec sa cape et ses grands gestes et sa manière de parler. Vraiment, c'était très très fun. Et voilà. Je pensais pas qu'on le verrait autant dans cette saison, c'est bien. Au final, il était beaucoup plus présent que ce que je pensais. Et ben du coup, à mon tour... Elle avait fini, oui, parce que j'ai l'impression que ça a juste coupé, en fait. Non, ah, okay. J'ai dit que c'était le dernier. Non, non, mais ça sonnait comme si sa connexion avait coupé. Ah, merde. C'est que j'étais pas sûr. Pourquoi t'arrêtes de nous parler? Je sais pas, vous voulez que je parle plus de qui? Maddy, vas-y, continue. À mon tour, Cléa, K2SO et Cassian. Voilà. Je vais pas dire plus. Vous savez tout. Et du coup, là, on va aller sur la fin de la fin de la fin de la fin. Sur la série en général. On va commencer. Quels ont été pour vous les MVP de la série? J'ai posé la question sur Twitter. Sur Twitter, sur notre Discord. J'arrête pas de dire Twitter ce soir alors que il n'y a rien à voir avec, avec ça. En général, pratiquement tout le monde était d'accord pour dire... ah mais non, c'était pour le dernier arc, c'était Cléa. Est-ce que j'ai demandé pour toute la série ou pour la... Non, non, voilà, pour toute la série. C'était Cléa, pour nos... les personnes sur Discord. Quel est votre avis à vous? Et est-ce que vous voulez que je vous explique ce que c'est un MVP? Most Valuable Player. Exactement. Bah, si on prend la définition en soi, oui, c'est Cléa. Elle est clairement, c'est clairement montré comme telle. Yes. Adrien, qu'est-ce que tu en penses? Ah oui, bah, y a pas de débat, je pense, là-dessus. Ok. Bix et son bébé. Ensuite, donc on va dire Cléa, mention spéciale quand même à Cassian. Moi j'aurais dit les femmes et Cassian. Les femmes et donc les meilleures quoi. Ouais, je pense que c'était quand même une série avec beaucoup de personnages forts. Tout le but de la série, c'est de te montrer que tout le monde a sa place et son importance dans un acte, dans une résistance, dans une rébellion. Peu importe l'échelle de ton acte de résistance, ouais. Ça a de l'importance. Peu importe le niveau auquel tu le fais, peu importe l'échelle auquel tu le fais, peu importe. Et qu'il faut qu'on s'unisse contre les fachos. Voilà. C'est, et pas les uns contre les autres. C'est important. Je regarde pas trop la politique en France, mais j'ai l'impression qu'ils sont encore en train de se mettre les uns contre les autres à gauche. Encore. Ah oui, ben ça c'est. Ils apprennent jamais de leurs erreurs, c'est pas possible. Et j'ai envie de te répondre, Grushkov, quelle gauche? Et tu vois, la série te montre que dans le fascisme, personne n'a d'importance. Nobody matters. Aucune vie n'a de la valeur. Mais dans une vraie communauté, dans une vraie résistance, dans une vraie société dans laquelle les gens se respectent et s'entraident et tout, chaque vie a son importance et sa valeur. Et a le droit de vivre et a le droit de trouver le bonheur, etc. Mmh. Ok. Ensuite, peut-être un peu plus difficile celui-là, mais quels ont été votre épisode ou arc préféré de cette série? Du coup, on compte les deux saisons. Adrien. Attends, j'ai pas entendu gauche. Quel est ton épisode ou arc préféré de la série en entier? Oh la vache! C'est dur, hein? Ah ouais, non, mais attends. Bah, t'avais 3 heures pour y penser, là. Dernier épisode, parce que bébé de Bix. Mais, c'est... Voilà. C'est... j'accepte. Alors qu'en vrai, non, c'est pas vrai, parce que c'est pas mon épisode préféré non plus, mais... ouais, là... Ouais, saison 1, il y avait des bangers, quand même. L'évasion de la prison, la révolte sur... sur Férix. Ah, mm-hmm. Ah, c'est trop dur, Gauchkoff, je peux pas. Tu dois en choisir qu'un. Putain. Eh ben, dans ce cas, ouais, allez, la révolte sur Férix. Ok, très très bien. Maddy. Pour moi, c'est le premier arc de la saison. De la saison 2 ? Ouais. Et, ah, il est trop bien. Pareil, la révolte sur Félix. Même si j'aime beaucoup Aldani aussi. Est-ce que c'est parce qu'il y avait énormément de Mon Mothma dans ce premier arc de la saison 2 ? Pas du tout. Pas du tout. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais on voit Bale et Mon, pas beaucoup, mais on les voit. Et Bale, il est un peu grumpy. Ouais, c'est un trou de balle même. Bon, bon. Un peu, mais ça va, il se calme après. Ouais, pour moi, c'est ces deux arcs-là. Je trouve que c'est. Bah, Aldani, c'était vraiment le côté casse que j'aime bien. Oui. J'adore les Oceans et du coup, moi, les casse, j'étais contente. Férix, bah, c'était. Le discours de Marva, le Brasso avec sa brique dans la main qui pète un plomb, c'était ouf, vraiment c'était, je m'attendais pas à voir ça dans Star Wars et du coup ça, je me rappelle c'est vraiment cette fin de saison là, ouais, c'était bah pareil un peu que cette saison là, le côté moins un peu triste de la fin, enfin le fait que la saison 2 ce soit la fin. Mais moi, ce côté claque aussi. Et évidemment, le premier arc de la saison, il y a Mon Mothma partout. et moi, je kiffe. C'est très drôle. Et tu qui moi, juste, je voulais dire par rapport à Bale et son côté un peu tête à claque, un peu trou duc dans l'épisode. Je trouve que c'est pas mal parce que ça montre aussi comment... D'où Leia, elle tient sa forte tête aussi. Parce que quand ouais, on voit vrai. Leia pour la première fois, elle est vraiment dans ce truc super sarcastique, super... ouais. C'est ça, les bruits de bras cassés qu'on m'envoie. Elle est... Et elle devient un peu plus ouverte, un peu plus flexible après. Mais au départ, elle est aussi super... super ouais, dur comme lui. Hein. C'est bien la fille de son père, en fait, si. Ouais, c'est ça. Ouais, il n'y a pas de doute. Hein. et moi, du coup, meilleur arc épisode de la série, c'est dur. Je dirais la révolte sur Férix et ce dernier arc que j'ai beaucoup aimé. Et puis, spéciale, petite mention spéciale, comme Maddy a dit à Mon Mothma. Toujours un plaisir de voir ses tenues et sa pauvre son voyage à travers sa descente ou sa montée dans la rébellion. Oh, j'ai un headcanon sur Mon Mothma. Je pense qu'elle est devenue malade à cause de la météo sur Yavin. Hey, tu sais quoi, pourquoi pas, parce qu'il s'est vachement humide. Hein. Bah ouais. J'ai pensé à ça, je me suis dit. Eh, mais. Elle est faire une cure de soleil après ça. Pour ça qu'elle est absente. Oh, d'ailleurs, on n'a pas parlé du moment où on revoit son mari. Oh oui. Ah, c'était drôle. Parce comme tu disais, même lui, il a droit à son petit épilogue. Hein. Ouais, et tu vois, moi, je crois qu'on n'a pas le même avis là-dessus. Pour moi, c'est une merde du début à la fin. Et il a jamais aimé Mon. La série te montre littéralement que il est en pure dépression maintenant. Bah non, mais Gruskov. Il est plus avec elle. Bah non, mais je moi je suis pas d'accord. Pourquoi tu vois mais l'inverse? Mais je suis pas d'accord. Moi vraiment, à la fin, il est misérable, mais il a toujours été misérable. Ah, moi je suis d'accord. Pour moi, il est montré que bah, il y a plus sa petite femme là. Ouais, mais tu vois, il y a plus de stabilité. Il y a les flics qui sont arrivés chez lui un matin. Il revenait de pour soirée. Moi, c'est, bah... c'est... On te montre justement que le peu de choses qu'il avait de bien dans sa vie, c'était grâce à elle. Et que maintenant qu'il est en mode full, exactement ce qu'il disait, de profiter, entre guillemets, de tous les instants et de se soucier de rien du tout, et ben, il est encore plus misérable qu'avant. Et que justement, sa relation avec Mann était plus importante que ce qu'il pensait. Ouais, moi je suis d'accord avec ça, mais je trouve aussi que c'est un moyen de montrer que il est pas en tôle. Et pourtant, oui. Il était marié à Motma qui a fait un acte de trahison. Et c'est pour montrer à quel point la corruption et le fait d'avoir de l'argent, énormément d'argent, et d'être un gros hypocrite lèche-botte avec tout le monde, ça peut... Tu sais ? Encore une fois... L'Empire, il récompense pas les gens qui sont honnêtes et qui veulent faire leur boulot et les choses bien. Il récompense les corrompus et les hypocrites, etc. Et aussi que c'est un mec qui a zéro loyauté envers personne. Mais oui. Puisqu'il est en train de coucher avec la femme de... La femme de Skulden. De son, du beau-père de sa fille. Du oui. Père, par, comment ça s'appelle par alliance, du père du mari de sa fille. Et que, comme tu dis, non seulement lui, bah, il se retrouve à boire de l'alcool et à coucher à gauche à droite, ce qui n'est pas un truc qui rend spécifiquement heureux. La plupart du temps, les gens qui font ça ne sont même pas satisfaits. Mais aussi, ça montre que Mon Mothma, elle n'avait rien à perdre. Non, aucun regret d'avoir laissé ce cul-là derrière. Sa fille, il y avait déjà zéro relation. Sa fille avait déjà rejeté Mom depuis longtemps et son mari, pff, il en valait pas la peine. Il est aussi profond qu'un dessous de verre. Bah ouais, tu vois, c'est ça en fait. Mais les deux peuvent être vrais en même mais temps. Oui, je comprends deux, pas pourquoi oui, tu dis que l'un mais je sais pas, moi l'autre n'est pas vrai. J'ai du mal à le voir. Enfin, pour moi, il est misérable à la fin et. Et en fait, genre, ça a toujours été le cas. Mais il est encore plus misérable maintenant parce qu'il a perdu Mann, parce que c'était la personne qui était un peu excitante dans sa vie. Et parce que aussi, quand t'es entouré d'hypocrites et de lèche-bottes, ben, tu tournes en rond et ta vie, elle a pas de saveur parce que ce qui rendait sa vie plus intéressante, c'était que Mon Mothma, elle prenait pas son bullshit, elle était jamais à le cajoler et à être hypocrite comme absolument tout le monde autour de lui parce que son cercle d'amis, c'est juste des hypocrites politiciens et elle, c'était la seule qui était franche et honnête et c'était la seule qui lui donnait de la vie. Et maintenant, il a plus rien, ce gars-là. Et je suis d'accord qu'il était fait pour être malheureux de base parce qu'il est fait partie de ces connards. Mais la présence de Mothma gardait un peu de flamme allumée. Maintenant qu'elle n'est plus là, il se retrouve comme tous les autres, misérable parce que c'est quelqu'un qui est inintéressant, qui n'a aucune valeur en soi parce qu'il ne fait rien. Il est juste là pour faire de la fête ou semblant de faire la fête avec des gens qui détestent, que tout le monde se déteste entre eux. Mais c'est... Tu vois, comme on voyait pendant la préparation du mariage et tout, les seuls moments où il est vraiment un peu vivant et animé, c'est les petits moments de complicité où il se tire un peu le... qui se parle vraiment comme un vieux couple marié, qui se comprennent l'un l'autre énormément. Et maintenant, il n'aura plus jamais ça. Ah oui, il est seul. Il est seul pour toujours, ce gars-là. La seule compagnie qu'il a, c'est des gens qui ont probablement des idées derrière la tête, tu vois. Des intérêts cachés, ce genre de trucs. Et des gens qui ne peuvent même pas avoir une relation sérieuse parce que la femme avec laquelle on le voit, elle est mariée. Donc c'est même pas un truc où il pourra Il n'est même pas en train de se remarier ou avoir une nouvelle copine ou quoi que ce soit. Il est dans un truc secret qui va mener à rien. Et du coup, vite fait, avant qu'on finisse vraiment, qu'attendez-vous du futur, du coup, par rapport à cette série ? Est-ce que vous attendez la saison 3 ? non, mais même juste par rapport au... que ce soit les personnages ou les futures séries Star Wars ou des trucs comme ça. Est-ce qu'il y a des choses que vous voudriez voir de plus par rapport à cette série ? Je veux voir Mon encore. S'il vous plaît. Est-ce que tu penses que c'est faisable une série sur Mon Mothma et tout post-épisode 6 ? Oui. Oh, bah, en théorie, on peut faire ce que tu veux. Séries, là. Mais ça fait encore ramener un personnage qu'on a déjà vu. Du nouveau, c'est bien aussi. Oui, mais si c'est Mon Mothma, ça va. C'est ça. moi, ça me dérangerait pas, franchement, si c'est un truc un peu plus sur la vie dans la rébellion et qu'a pour personnages centraux Mon, Vel, Cléa et Bix. Moi, je signe direct. Hein, je regarde autant de saisons que vous voulez de ça. Yes, les girls. Allez hop, les lesbiennes. C'est pas oui. Les bi, on va dire les bi. En tout cas, je pense que on en reverra certaines. C'est certain. Je veux dire, leurs histoires, elles sont pas terminées, quoi. Mm-hmm. Cléa, on veut tous savoir ce qu'elle devient. Ah oui. Vel, pareil. Avec Cléa et Vel qui sortent ensemble. Hop, c'est parti. Bah voilà, mais bon, c'est canon. Hein. C'est ça. Eh bien, du coup, c'est la fin. C'est la fin. C'est fini. Andorre et de Platine, Rogue One, tout ça c'est du passé. On remercie chaleureusement Karel, Anthony, Aline, Adrien et Adrien. Trop hâte de voir Rogue Two. Hein ? Trop hâte de voir Rogue Two. Oui, avec Somehow Cassian Returns. Avec B3MO. Cassian Junior et Bix. Cassian. Cassian. Un personnage non binaire, allez hop. Yes. Serait bien, putain. Un mot de la fin pour conclure, c'est quand même un gros chapitre qui se finit là. Mes petits pio. Moi, je pense que tu pourrais laisser. Je sais pas si c'est risqué ou pas de se faire strike, mais tu pourrais limite mettre le manifeste de Nemik. Pour terminer l'épisode. Je pense qu'il n'y a pas meilleur moyen. Je pense qu'il n'y a pas meilleur moyen pour finir un épisode. Enfin, si, à la rigueur, vous pouvez faire des bébés aussi, mais... Faites des bébés, c'est ça. Mais t'es Shinzo Abe, toi, ou quoi, là ? Faites des bébés. Comment ? Ouais, c'est ça. Je dis, il est Shinzo Abe, ou quoi, là ? Il veut que tout le monde fasse des bébés, là. Faites des bébés, let's go. On se retrouve, putain, dans le prochain épisode. Grushkov a dit qu'on n'avait pas le choix. Ouais. Elle m'a dit, vas-y, est-ce que t'as un truc? Eh ben, c'était bien et c'est fini maintenant, mais toutes les bonnes choses ont une fin et on n'a pas été gavé, on va dire, avec Andorre. On a été plutôt gâté même. Ouais, avec Andorre, voilà, c'est ça. Et donc, très très contente. Ça m'a redonné un perso, ça m'a redonné un. Enfin, tu vois, j'ai toujours eu de l'intérêt pour Star Wars, mais ça m'a redonné un coup de boost. Ouais, on en a besoin de temps en temps. Hein. Et voilà. Et nique l'Empire, vive la rébellion, à mort les fachos. Et vous connaissez la suite. Les uns des autres. C'est ça. Grave. Oh, purée, attendez, mais je regarde. Star Wars Vision, la saison 3, c'est cette année ou c'est l'année prochaine ? C'est pas en septembre. C'est cette année, c'est en octobre. Octobre. C'est en octobre. Bon, bah, du coup, prochaine série, on en parlera en octobre. Y'a rien avant ? Pas que je sache. Et, purée, t'as raison. Sinon, bah, on doit attendre jusqu'au film Mandalorian l'année prochaine. Hein. Ouais, c'est vrai. Pour parler de grosses sorties Star Wars. Bisous à tout le monde. Et que la force soit avec vous. Au revoir. Bye. Bye bye. Bisous. There will be times when the struggle seems impossible. I know this already. Alone, unsure, dwarfed by the scale of the enemy. Remember this. Freedom is a pure idea. It occurs spontaneously and without instruction. Random acts of insurrection are occurring constantly throughout the galaxy. There are whole armies, battalions, that have no idea that they've already enlisted in the cause. Remember that the frontier of the rebellion is everywhere, and even the smallest act of insurrection pushes our lines forward. And then remember this. The Imperial need for control is so desperate because it is so unnatural. Tyranny requires constant effort. It breaks. It leaks. Authority is brittle. Oppression is the mask of fear. Remember that. And know this. The day will come when all these skirmishes and battles, these moments of defiance, will have flooded the banks of the Empire's authority, and then there will be one too many. One single thing will break the siege. Remember this. Try.